T'as un truc pour commencer? Hein? T'as un truc pour commencer? Non, j'ai rien. Tu veux quoi? Une phrase d'accroche, un truc? Une phrase d'accroche? N'importe quoi. Ou une histoire, un truc à nous raconter? Non. Il t'est rien arrivé? De spécial, non. D'intéressant, perso aussi, mais ça se raconte pas. Ah, d'accord. C'est personnel. Oui, c'est vrai. Donc t'as pas... Ah, et dire que le jour, eh ben, en fait... Hey. Ah ouais, non. Et toi, bah si, t'as peut-être quelque chose, toi. T'as pas... Je mangeais un bon couscous. Ouais. Non. Non, pas plus que ça. Ouais. Eh ben, hé, tu veux que je te dise? Ouais. On s'en fout. Voilà. Bienvenue dans Road to Hellfest, saison 3, épisode 6. Et ça fait 7 mois maintenant que je suis enrhumé et que je parle du nez. Welcome. Jingle. Hey, comment ça va? Bienvenue à toi. Ouais. Ah, ça me fait plaisir de te retrouver, vieille crapule. Ah bah dis donc, tant que ça. Alors, qu'en est-il arrivé de cette... Allez, à la semaine prochaine. C'était bien. Attends, on n'a pas bu encore. Ouais, tu vois, là, je viens d'un peu faire saturer le son. Mm-hmm. Faut pas que je fasse de trop près. Ah bah ouais, écoute. Hein? C'est un brassin de Noël. Hein, bah, édition spéciale, limitée. Oui, oui, oui, oui, oui. Dans le temps. Hein. Je suppose. Plus que ça, en fait, oui, ça doit être. Oui. Eh ben, sache que je suis passé hier, il y en avait moult. Je suis passé aujourd'hui, c'était le dernier. Ah, bien joué. Oh, oui, bah, on a eu de la chance, surtout. C'est ça. Donc, comment est-ce que ça va bien, mon cher Bob? Eh bien, écoute, ça va. As-tu passé 15 bonnes journées? 15 bonnes journées, je dirais oui, ça a été. Ce fut. Ce fut? Ce fut. D'accord. Ouais, il ne s'est rien passé de spécial. Oh non. Tu n'as rien envie de raconter à nos auditeurs? Oh là là là là, mais il y a tellement de choses que j'aurais pas envie de vous raconter. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord, très bien. Et toi donc? Bah, cette écoute, petite semaine multipliée par deux? Bon, pas grand-chose. Ouais. J'ai pris un an de plus. Ça m'a fait assez mal. Ouais, bon anniversaire. Ouais, merci. N'hésitez pas, je prends tous les cadeaux. Je suis comme ça. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un me dit à l'oreillette, « Oh, que ce sera bientôt ton anniversaire. » Ah, bah tiens. Fichtre. Non, rien de spécial pour ça. 15 bonnes journées. Bah, nous, non. Après, on a eu des news... qui brûle. Oh, combien palpitante. D'ailleurs, je te propose qu'on enchaîne directement parce que je vais être honnête avec toi. Dis-moi. Je vais pas te mentir et je vais pas te faire un petit coup de Trafalgar. Oh. Mais je suis crevé. Ah. Alors, si on pouvait expédier ça assez vite. Ok, c'est d'ailleurs, parti. On vous aime et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Non, allez, ou bon. Pas. Je te laisse commencer. La première news est pour toi. Donc, rubrique news. Je sais pas. J'en connais une qui va être contente. Ah bah moi, quand on me dit jingle, je ouais, jingle. C'est ça. Et même, j'ai envie de te dire... Jingle. Bells. Ah ouais. Effectivement, on sent la fatigue. Twitter. L'endroit où aucun débat n'est possible. Ça, c'est vrai. Mais où, parfois, on peut apprendre deux, trois petites choses. Mais dis-moi, Bob, on a l'impression que tu lis ces news comme si c'était la première fois. C'est la première fois de toute ma vie que je lis des news. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Excuse-moi, je ne voulais pas... Dans un tweet de Mr. Metalhead, hein, on est d'accord? C'est ça. C'est ça. L'intéressé annonce que Corey Taylor a dit que le prochain album de Slipknot sortirait en janvier 2020. C'est qu'est-ce qu'il a dit? Paraîtrait-il. Oui, moi je ne suis pas du genre à remettre en cause. Aussitôt contre-tweeté par Corey qui précise... Contre-tweet! C'est ça. C'est qui? Allez, bon. Qui précise qu'il enregistrait en janvier et que l'album sortirait à la moitié de 2019. Oh, mais c'est déjà et un peu plus tôt que 2020. C'est sûr. Toujours d'après le chanteur, la chanson All Out Life sortit le jour de Halloween essaie de faire deux choses. Rassembler tout le monde, mais aussi rappeler à tout le monde que le passé n'est pas quelque chose dont on doit se débarrasser avec mépris. C'est vrai. Et moi, je suis assez d'accord. Ça va, avec ça. Jusque-là, je suis d'accord. Ouais. Les gens sont tellement avides de découvrir la prochaine grosse sensation que parfois, ils chient sur tous les groupes et artistes qui sont venus avant, donnant ainsi l'impression que le passé est jetable. comme un vulgaire Kleenex. Ouais, un truc que, ouais, que t'as utilisé plein de fois jusqu'au bout. T'as même cherché un tout petit morceau, parce qu'en plus, dans cette période, on arrive souvent à être enrhumé. Ouais, c'est ça. Donc, on se mouche et puis on économise, parce que ouais, ça va vite, sinon. Bah, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont une fois et qui jettent. Mmh. Alors que là, alors non. Que non, faut pas. Faut pas faire ça. Ben non. Faut chercher le moindre petit centimètre carré de... Après, je suis pas sûr que c'est ça qu'il essaye de dire. Mais voilà. Voilà. Après, j'emmerde ça. T'emmerdes ça ? Ouais. D'accord. Mais lui aussi. Pourquoi devrait-on faire attention à votre futur médiocre quand vous ne prenez pas la peine de célébrer un passé extraordinaire ? Wow. C'est une question. Ah oui. Bleu. Voilà. Je préfère écouter un hit garanti qu'un ratage forcé. Bah oui. Voilà. Comme ça, ça au moins c'est clair. Voilà. All Out of Life est l'hymne qui rappelle aux gens que ce n'est pas la date de la musique qui importe, mais son endurance. Et bim. Voilà. Sean Crahan. Le clown. Voilà. J'aime bien dire ça. Pour préciser. Ouais. Le clown. Aujourd'hui est une époque existante pour Slipknot. Non, non, non. Excitante, hein. Existante. Bah, en même temps, ça peut. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas plus que l'autre époque. Voilà. Je veux dire que c'est... Donc je le remets. Aujourd'hui est une époque excitante pour Slipknot. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur de la nouvelle musique et cette chanson n'est qu'un concept parmi les nombreux en cours. C'est un bon avant-goût pour la suite. Ah, si seulement Slipknot pouvait venir au Hellfest. C'est vrai. Ouais. On l'avait dit, hein, il faisait partie un petit peu des groupes qui manquaient sur l'affiche. C'est vrai. Belle affiche d'ailleurs au passage. Ouais. Mais il y en a qui se plaignent justement en disant « Ouais, c'est l'affiche, machin, truc. Enfin, » Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est pas très gentil. Hein. Non, pas sympa, non, je trouve. En tout cas, c'est plutôt cool de savoir qu'on va avoir un nouvel album de Slipknot en 2019. Ça fait... Mi-2019. Oui. Bah, c'est quand même... ouais, après, la mi-2019, c'est vague. Ouais, c'est vrai. Ça peut être de juin. Voilà, par exemple. C'est ça. Peut-être qu'on aura des nouvelles chansons d'ici, je sais pas moi, des moments. Peut-être que... juin. Et donc. Voilà, voilà. Très bien. Merci pour cette news, Bob. Ah bah écoute, ça m'a fait plaisir. Ah bah tu vois. Hein, moi j'aime bien quand tu fais ça. Ouais. Je passe à la suivante. Def Leppard a sorti le 30 novembre, un jour exceptionnel. Ouais, c'est important de le préciser. Ouais, parce une que nouvelle c'était le jour de ton anniversaire. Oui. Comment tu sais ? Bah parce que c'était le 30 novembre. Bah oui, c'est vrai. C'est dingue. Hein, c'est fou. C'est dingue. Et pour ceux qui ont du mal à oublier, c'est le dernier jour du mois de novembre. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas d'embrouille. Juste avant décembre en fait. Hein, pile poil avant. Ouais. Donc tous ceux qui hésitent un peu, voilà. N'hésitez pas. Voilà. Et puis bon, moi je prends cadeau, je prends vraiment tout. Hein. Mmh, ouais. Donc, chèque bon. Resto. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Capsule. Même vêtements trop petits. Ouais. Bon, au pire tu les repasses un coup, c'est bon. Oui, bon attends, ouais, c'est vrai. Et les temps sont durs. Hein. C'est vrai. C'est que... Et les... Oui. Non. Voilà. Alors... Def Leppard a sorti le 30 novembre une nouvelle compilation de Story So Far, de Best Of. Une compilation de 35 titres répartis sur 2 CD et comprenant la reprise de Depeche Mode Personal Jesus, la version remix de Rock On et la chanson We All Need Christmas. Mm. Alors, c'est pas la meilleure des chansons, ça. Non, non, non. Une compile utile quelques mois avant la venue du groupe au Hellfest pour tous ceux qui ne connaissent pas trop encore le groupe. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de trop l'écouter. Mais on le fera sûrement à un moment donné, je pense. Ouais, dans nos vies. Non, mais je veux dire, quitte à... Ah oui. À, si jamais on tombe sur le groupe, pour l'une des chroniques, c'est on peut-être plus... On tombera forcément sur le groupe. Voilà. Non, mais pour celui qui tombe dessus, je parle. Ah oui, d'accord. On peut peut-être plus facilement commencer par la compile en disant « Tiens, voyons voir ce que ça donne, Def Leppard. » Ah, c'est pas faux, ouais. Tu vois, si ça balaye directement toute la carrière, tu gagnes du temps. Ouais, ouais, c'est carrément. C'est pas con. Très bonne idée. Ouais, bon, merci. Bah, écoute... Ça me fait plaisir. En plus, comme je sais que t'es un grand fan de Def Leppard. Ben ouais. Hey, tu fais tomber ton téléphone. C'est sympa. Hey, c'est prie. À moi. C'est à toi. Je ne sais pas pourquoi je fais cette news. Voilà. D'ailleurs, je ne vais pas la faire parce que je ne sais pas pourquoi je la fais. Donc, je ne vais pas la faire. À toi. Non, mais... Attends, mais lis au moins ce que tu n'as pas écrit. Je ne sais pas pourquoi je fais cette news d'un groupe que je n'aime pas plus que ça. Que je n'écoute pas plus que ça et dont je m'en fous un peu. Mais je suis un média, donc ça, alors je vais le faire. C'est mon taf, mon métier, et je m'y accrocherai tel un gilet jaune à son rond-point. Le bassiste Peter Bowles quitte Accept. Balt. Balt. Parce qu'en fait, c'est un L et un T, donc ça fait pas Bolt, c'est Balt. Boltes. Comme tu veux. Baltas. Je te laisse accorder en genre et en nombre. Balt. Peter Balt. Kit accepte. Voilà. Bon, d'accord. Peter Balt, Kit accepte sans évoquer les raisons de ce départ. Le groupe explique que son bassiste avait besoin d'un changement dans sa vie. Peter était un des membres originaux d'Accept ayant participé à chaque album, et je dis bien chaque album, j'insiste bien sur le chaque album, du groupe en 40 ans. Oui, c'est beaucoup. Eh ouais, 40 ans. Mec. Bah oui, ça fait un peu... Ah, ça fait deux fois 20, quoi. Et le partenaire de composition exclusif du guitariste Wolf Hoffman. Mm-hmm. Et je m'en fous, en plus, du groupe ne sera pas là en 2019. Bah, merci pour cette news, du coup. Voilà. Non, mais c'est bien. Bah écoute. Non, mais tu fais ton taf. Moi, c'est marqué là. C'est important de le dire. Je pense. Bah, techniquement. On a fait une news sur Def Leppard qui fait une compilation. Là, on voit qu'au bout de 40 ans, le mec se barre. Il y a une corrélation. Bien sûr, tout à fait. Il y a histoire, il y a musique, voilà. Il y a départ, il y a renouveau. C'est ça. Ouais. Non, bah, merci. Putain, merci, c'est beau, ce que tu dis. Oh, je suis un petit peu un poète de la bière. C'est ça. Sur le fil de la fatigue. Oh, oh. Je ne vais pas pouvoir finir cet épisode. Non, je ne crois pas non plus. Ça va être très difficile. Alors, à mon tour. Carcasse t'a... j'allais accorder. Ouais. J'allais accorder. Bon. Carcasse a posté une photo annonçant leur retour en studio. Enfin, on voit plutôt une batterie dans un studio. Mais aujourd'hui, qui a besoin de mots pour raconter des histoires? C'est pas faux. Le précédent album remontant à 2013, il y aura sûrement du nouveau matériel pour le Hellfest 2019. Et c'est ça le plus cool. Parce que je vous rappelle que Carcass, ils ont commencé, c'était un groupe de grindcore. Ouais. Puis maintenant, ils sont un peu plus def. Donc peut-être que là, ils vont être pop, je sais pas. Ou ils vont rester sur le def. Peut-être qu'ils vont rester, tu vois, ils vont peut-être... Ouais, peut-être qu'ils ont, enfin trouvé leur... Leur voix. Leur voix, peut-être. Hein. Peut-être. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa de savoir qu'un groupe arrive dans un festival avec quelque chose de nouveau à présenter, quoi. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est cool. Pour les fans et pour les autres. Les fans. Oui. Et pour les autres aussi. Oui. Voilà. Ça, c'est... Qui découvrent Carcasse. Voilà, mais du coup, qui peuvent être un peu biaisés. Hein. Tiens, c'est Carcasse, j'aurais pas cru. Ils peuvent être surpris. Ah bah ouais. C'est... Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent être agréablement surpris ou surpris dans le mauvais sens du terme? Ah bah là... Faudra qu'on leur demande éventuellement. Oui, faudrait qu'on fasse ça, qu'on interviewe des gens devant Carcasse. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes surpris ou pas? Voilà. Bon, voilà, c'est un ancien morceau, donc ça compte pas. Voilà. Je t'en prie. Non, c'est du taf. Tu sais, Jack? Oui. Voilà. Je sais. Non, mais c'est cool que tu saches. Ah bah, c'est... Parce qu'il faut s'achoir. Il y a des gens qui ne vous déçoivent jamais. Je vais peut-être la refaire, celle-là. Il y a des gens qui ne vous déçoivent jamais. Non, je ne parle pas de toi, mais de John Garcia and the Band of Gold. Tu pleures? Non, ça va. Tu es triste. Je suis ému. Tu es triste. Donc voilà. Finaise. And the Band of Gold, comme je disais, que l'on pourrait traduire par John Garcia et le groupe d'or. Voilà. Un titre pas fifou. Sortira son nouvel album le 4 janvier. Une date que j'ai griffonnée sur mon calendrier des dates. Des calendriers. Des dates. 4 janvier, ça doit être la fête à Neuneu, je crois. C'est Odilon. Bon, ben voilà. Hey, ça, non, le 4 janvier, c'est... C'est la Saint-Odilon. C'est l'anniversaire de mon fils. Ah ben, c'est bien, ça. Ouais. Je savais pas quoi lui acheter, je vais prendre l'album de John Garcia. Bah voilà. Je vais être content. Ouais, je pense, ouais. Mm-hmm. Si c'est pas fifou en plus. Pour patienter, un nouvel extrait est dispo sous la forme d'un vidéoclip pour le titre Jim's Whiskers. Que l'on pourrait traduire par les moustaches de Jim. Même s'il ne sera pas au Hellfest en 2019. Mais c'est vrai, ça va. Ah. Tu l'as écouté? J'ai écouté un titre, ouais, du nouveau John Garcia qui n'est pas fifou. Ah bah ça doit pas être celui-là, parce que celui-là il est bien. Ouais, et bah écoute, j'irai écouter. Voilà, je fais beaucoup d'écoute tout ça. Ouais. Ouais. fais pas tout en même temps, parce que tu Non. Non, bah, j'irai écouter. D'accord. Ouais. Très bien. Ok. Étant un fan en plus de. Bah, c'est pour de ça. Jeune bah, Garcia. Tu l'as marqué, tu l'as griffonné sur ton calendrier. Bah, oui, donc, non, mais c'est prévu, c'est prévu. Ah bah, je me doute. Bob. Jacques. Si je te dis Deadland Ritual, tu me réponds. Rituel de la Terre Morte. Oui. Mais encore. L'un de noms mystérieux qui ne te dit rien sur l'affiche du Hellfest 2019. Oui, je te l'accorde. Mais peut-être seras-tu heureux de savoir que c'est en fait le nom d'un nouveau super groupe qui comprend Jesse Butler, la basse dans Black Sabbath, Matt Sorum, la batterie, et c'est un ex-Guns N' Roses, Steve Stevens, un nom rigolo, à la guitare et qui vient de chez Billy Idol, et Frankie Perez, le chant d'Apocalyptica. Et bien sûr, quoi de mieux qu'un clip pour découvrir un groupe? Deux clips, mais là, en fait, j'en ai qu'un. Donc, deal with it. Je mets de l'anglais dans le... Ouais. Classe. Alors, perso, j'ai été écouté. C'est pas fifou. Hein. Ouais. C'est pas top. Moi, j'ai pas trop aimé. Écoute, j'irai voir. Peut-être qu'on peut pas mélanger tous les trucs ensemble. Ouais, secouer. Ouais, c'est super bien. Je pense qu'ils devraient faire des tests avant, quand même. Ouais, moi, moi ça a pas marché. Après, c'est qu'un extrait, donc faut voir avec d'autres. Ouais. Moi, ça m'a pas trop plu. Ok. Je t'en prie. Ok. Tu sais, Jack, parfois, la vie n'attend pas. C'est vrai. D'ailleurs, faut que j'y aille. Et même si tu ne comprends pas le sens de cette phrase, ce qui est sûr, c'est que le premier extrait du futur album de John Garcia est le groupe d'or sorti le 2 novembre sous la forme d'une lyrique vidéo. Ah, mais c'est marrant, parce que tout à l'heure, t'as parlé du deuxième titre. Ouais. Mais en fait, c'est parce que tu n'avais pas parlé du premier titre c'est avant. C'est pour ça. D'accord. Non, mais je fais à l'envers, moi. Bah oui. Tu sais, c'est comme les histoires de super-héros. Tu sais. Tu apprends sur le film 2 que, en fait, c'est le début. Waouh. Ouais, mais tout est calculé, mec. C'est impressionnant. Ah ouais, non, mais attends. Et dire que tu étais là depuis le début. Ouais. Caché, tapis dans l'ombre. Avec le titre Chicken Delight. Rien à voir avec Stallone. Non. Et laisse-moi te dire que c'est un délice de poulet. Voilà, ça me fait plaisir de te le dire, tu vois. Parce que moi, je trouve que c'est un délice de poulet. Mais toujours pas présent au Hellfest. Tu, hein, l'as, 2019. Tu l'as compris au moins, délice de poulet. Oui. C'est le Chicken Delight. Ah ouais, bah, oui, j'avais bien pigé, oui, quand même. Très bien. Prends-moi pour un con. Ou jamais de toi. Je te laisse. Toujours dans ton dos. Oui, c'est ça. Alors, même s'ils n'apparaissent pas sur l'affiche de cette édition... Je sais pas pourquoi on a repris. Je vais prendre de l'eau. Je vais arrêter tout de suite ce café parce qu'il est beaucoup trop fort pour moi. Alors, même s'ils n'apparaissent pas sur l'affiche de cette édition 2019, Children of Bodom reste dans notre cœur. Et nous ne manquerons pas d'écouter leur futur album intitulé Hexed, ce que Google Trad interprète par malmené. C'est pas mal. Et qui sortira le 8 mars prochain. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un clip vidéo est déjà dispo pour le titre Undergrass and Clover ou Sous l'herbe et le trèfle. Un titre bio, assurément. Certainement. Je l'ai écouté. Tu retrouves vachement les ingrédients de Children of Bodom avec un son qui me plaît un petit peu moins. Il est un peu peut-être trop propre, trop lisse. Mais tu reconnais vraiment bien le style, par contre. Ça peut être un défaut, c'est vrai. C'est... Ouais, là, je le trouve. De certains groupes qui essayent de faire des trucs trop propres, et du coup, ça... Bah ouais, là, en plus, Children, il y a un petit côté, alors je vais pas dire sale, mais leur style de musique et riff est un peu moins propre, mais c'est vrai que souvent, dans la prod, c'est très propre, et là, j'ai trouvé ça un petit peu trop. Ouais. Un petit peu trop léché. Ouais. Donc voilà, c'était... les quelques news qu'on a vues. Donc, il y en a eu beaucoup pendant les 15 jours. Alors, vraiment, masse. Mais je me suis arrêté, comme souvent, enfin, et toi également aussi, sur les quelques news qu'on pouvait retenir, où on pouvait avoir quelque chose aussi d'autre à dire. Ce qui ne fut pas forcément le cas. Mais voilà. On aurait toujours plus de trucs à dire de ce côté-là que des news de groupes qu'on ne connaît pas ou qui sont un peu moins parlants. Mais encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés par avoir des news de black metal et tout, n'hésitez pas, hein. Nous on le fera. Alors on va d'abord se former, voilà. Apprendre, voilà. Connaître les bonnes bases, et après on revient vers vous. Mais on est totalement prêt à le faire. Saison 4. Oui, bien sûr. Passons donc maintenant cette semaine aux news Hellfest. Tu veux que je commence ? Vas-y, fais donc. Alors, suite à l'affiche qui a été publiée, donc, je ne sais plus qu'en novembre, il y a eu un reportage très intéressant par nos confrères de France 3 Pays de la Loire, à savoir comment le Hellfest mettait au point leur affiche. Et ils sont partis d'un postulat de départ que j'ai trouvé assez original, à savoir qu'ils avaient pris une grande claque en voyant Chaka Ponk en concert, et de se dire, tiens, pourquoi Chaka Ponk n'est pas au Hellfest ? Donc ils sont partis en faisant le chemin inverse. Déjà, ils ont demandé à Chaka Ponk ce qu'il pensait du Hellfest, ce à quoi le groupe a répondu qu'eux, ils aimeraient bien jouer là-bas. D'ailleurs, ils aiment bien y aller, donc en tant que festivalier invité, on va dire. Ouais. Ils ne vont pas non plus dormir forcément sur le camping, mais qui se reconnaissent comme étant pas assez méchants pour le public, entre parenthèses, du Hellfest. Mmh. Ce qu'on peut comprendre, parce que ce qu'essayait de dire le journaliste qui a fait l'article, c'est que le groupe a vraiment une énergie et un côté quand même assez rock'n'roll qu'on peut retrouver dans beaucoup de formations qui jouent aussi au Hellfest. Donc bien sûr, s'en est suivi la question qu'ils ont demandé aux organisateurs du festival et programmateurs. Et donc, Johan Le Névé a directement passé le micro à Ben pour laisser se déverder. Je ne vais pas répondre. Ouais. Et du coup, en fait, Ben a expliqué qu'il n'y avait bien sûr aucune problématique de base pour que Chaka Ponk puisse venir, mais qu'aujourd'hui, ils essayaient aussi de contenter un public qui vient. Et donc, ça passait par certains choix. Et que d'une certaine manière, Chaka Ponk faisait en quelque sorte partie d'un type de groupe qui passait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup ailleurs, et que le Hellfest avait aussi pour vocation de faire passer des groupes qu'on voit un peu moins. Mais, sur le principe, il y aurait strictement rien qu'empêcherait Chaka Ponk de venir. Ouais. Voilà. À mon avis, c'est une réponse courtoise. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Mais justifié. Pour pas dire, vous ne viendrez jamais. Voilà. Tout simplement. Après, ils ont interrogé Johan Le Névé pour qu'il donne trois critères pour qu'un groupe puisse venir jouer au Hellfest. Donc, il a énuméré la notoriété du groupe, sa qualité en tant que tel, et que ça soit un groupe attendu par le public. Après, il a expliqué de son côté que lui, qui s'occupait de la vallée et de la Warzone, avait tendance à essayer de faire un peu par thématique. À savoir que pour l'édition 2018, la Warzone a vu passer beaucoup de groupes hardcore de New-Yorkais. Et donc forcément, cette année, il y en aurait moins. Et que ça serait plus orienté vers le punk californien. Ou le psychobilly. Voilà, et le psychobilly. Donc c'est toujours intéressant justement de voir que c'est pensé en tant qu'affiche dans sa globalité. Je trouve que ça ressort beaucoup cette année quand tu vois le 100% trash, le 100% français et tout ça. Ouais. Donc voilà. Et en dernière... intervenante, il y avait la personne qui s'occupe, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse bien sûr, qui s'occupe de Altar et de Temple, et qui explique qu'elle commence dès la fin du festival à contacter des groupes ou à voir ce que les tourneurs proposent. Et après ils partent un peu en vacances, et après ils n'enchaînent pas, ils n'arrêtent pas plutôt d'enchaîner jusqu'à la fin pour pouvoir proposer l'affiche en novembre ou au plus tard début décembre. Ouais. D'ailleurs, à noter, c'est sûrement déjà passé sur les réseaux, mais il n'y a pas le running order, mais il y a un début d'ordre qui a été donné directement en fait, sur le site avec les groupes sont classés par jour. Pas forcément dans l'ordre total d'apparition, mais ils sont au moins classés par jour et par scène. Ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Les années précédentes. Voilà. Donc bien sûr, ça va peut-être changer, ça va peut-être évoluer, mais on a déjà une très bonne idée de ce que ça va être. Ouais. Alors ça, c'est un petit truc sur lequel je voulais revenir, hein, parce que je l'avais dit, mais tu ne m'écoutes jamais. Ouais, alors que j'avais dit, regarde, je suis sûr qu'il faut suivre un peu Rage Tour, et on va voir plein de groupes qui sont avec eux. Toi, t'as fait, pourquoi tu dis ça? Je me souviens très, très clairement, t'as dit ça comme ça. Ouais. Je dis, oh, dis donc, t'es un con un peu. Mais, un peu. Un peu. Et en fait, il s'avère que j'avais raison. Sûrement parce que dans ce style de musique, Rage Tour est aussi quand même l'un des prestataires les plus présents, je pense. Ouais. Donc forcément, tu retrouves beaucoup des groupes. Et cette année, ils ont même fait un petit post Facebook pour en parler. Ils ont de leur côté Carcass, Ultra Vomit, Le Bal des Enragés, No One is Innocent, Dagoba, Municipal Waste, Insanity Alert, Madsyn, Banane Métallique et Lucifer Child. Ce qui est quand même pas mal. Ça va. Je veux dire, on n'a pas trop à... Ça va, ça va. Ouais. Donc, ça va bien pour eux, je pense. Ouais. Je pense. Donc, mais c'est assez justifié parce qu'il y a quand même, ça tourne beaucoup, Rage Tour, donc. Ouais. Ouais, complètement. Je te laisse faire l'autre news. Rage Tour toujours. Bien sûr. Une annonce Hellfest Open Air Festival en cachant parfois une autre. Rage Tour Booking Agency France est très fier de vous dévoiler le routing du prochain Hellfest Warm Up Tour 2019. 14 dates à travers la France. Alors, il y a de quoi dire. Rendez-vous mi-décembre pour vous dévoiler le line-up complet. Sachant qu'on a déjà vu qu'il y avait Black Bomba qui avait fuité. Ouais. Et Redemption aussi, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, je crois, ouais. Je crois. Alors, je vais donner toutes les dates. Hein. Non, bon, peut-être pas. Non. Dis les plus importantes pour nous. Voilà, le 19-04-2019. Voilà. À quand? Au Cargo. Très, très bien. Voilà, voilà. Oh, mais après, on peut peut-être voilà, taper. Sinon, il y a Ave, je ne sais pas, dans le 56. Hein. Ouais. Il y a Brest, le 18-4. Donc, il y a Lille, Strasbourg, Paris, Lyon, Romans-sur-Isère, Nîmes, sûr. Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Joux-les-Tours et enfin Nantes. Nantes, ça sera le zénith quand même. Ouais, quand même. Je veux dire, c'est pareil. Hein. C'est pas une petite pièce, quoi. Non, non, bah non, parce que tu vois que t'as des trucs. T'as le Paloma, le Krakatoa, la Sirène, le Centre Culturel et le Zénith. Ça, c'est toujours bien. À noter aussi quand même que du 17 au 30, c'est tous les jours. Ouais. Y a pas de... Voilà. Ça, c'est plutôt fort aussi. Et puis j'aime bien celle qui passe. De quoi ? C'est un drôdi, donc... Le... À quand ? Ouais. Ah, bah, moi aussi, ça me dit bien. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, et si on passait à la grosse news ? Oh, bah dis donc ! Qui nous a quand même un petit peu animé cette dernière grosse semaine et demie. C'est vrai, aussi bien partout que partout. Ouais, donc on va essayer de revenir sur la globalité du truc et un peu plus dans le détail, et puis après on va essayer d'en débattre. Ouais. Donc, il y a plus d'une semaine et demie, il y a eu un message Facebook de Francis Zégut qui a dit... Slipknot au Hellfest le jeudi dans une espèce de mini-festival. Donc ça allait bon train avec les premières annonces avant que l'affiche soit dévoilée d'un passage de Slipknot et puis d'un passage d'un jeudi soir qui a fait rêver un peu tout le monde, qui était en mode ouais, « pourquoi pas, ce serait bien une quatrième journée, tout ça, ah. Au moins une seule date, machin, enfin on n'en savait pas trop, mais voilà, même moi j'y croyais, je trouvais ça possible, même Julien, notre cher ami Julien aussi. Hmm. » Toi, Bob, je sais pas, est-ce que tu étais un peu entre deux, t'avais l'air... J'étais un peu entre deux, ouais. Donc, voilà. Et c'est, ça a fuité... Alors, je sais pas ce qui se passe cette année avec le principe des fuites, mais ça a fuité partout avant le Hellfest. Mm. C'est, je veux dire, c'est dingue. L'annonce est sortie et arrivée sous cette forme. Mais avant toute chose, Bob, est-ce que tu connais le Knotfest ? Oui. D'accord, merci. Eh bien, on vous aime et on vous emmerde. Eh bien, qu'est-ce que c'est donc ? C'est un festival créé par Slipknot. Tout à fait. Hein, aux States. En 2012. Voilà. Et qui n'a encore jamais été en Europe. Mmh. Et donc, cette année, pour la première fois, donc en France, voilà, et en Europe, le Hellfest s'est associé à Knotfest pour proposer une soirée. Le jeudi 20 juin. Donc le soir où on se pose, où on arrive, où on se détend, où on se met bien et où il faut faire très attention à pas se mettre trop bien. Voilà. En tant que véritable journaliste d'investigation, j'ai tenté d'aller trop loin. Donc, donc je peux en parler. Voilà. Donc il faut faire très attention. Enfin, c'est une journée en général où on arrive, on se pose et on se prépare parce que ça commence vraiment le vendredi. Ouais. Et ben pour l'édition 2019, ça va commencer le jeudi, mais c'est pas le Hellfest qui commence le jeudi. Ça, je pense que c'est le premier point qui est hyper important. Ce n'est pas le Hellfest, c'est un partenariat entre le Hellfest et Knotfest. La première édition du Knotfest en France se fera à Clisson avec le Hellfest. Et ça se déroulera de cette manière-là. Le jeudi 20 juin, Slipknot en tête d'affiche bien sûr, mais le site du Hellfest ouvrira à 14h pour un premier concert à 17h. Et ça se déroulera sur les deux main stages. Il y a 40 000 places en vente. Donc je suppose que le reste du site sera fermé, tout ça. Mmh. Et nous avons la moitié des groupes qui joueront sur une main stage américaine et l'autre moitié qui jouera sur une main stage européenne. Et dans les groupes annoncés, il y a Amaranth, Sick of It All, Ministry, Behemoth, Powerwolf, Papa Roach, Amon Amarth, Sabaton, Rob Zombie et Slipknot. Donc ça, on va dire, c'est la plutôt bonne nouvelle. L'autre nouvelle qui vient avec, c'est que comme ce n'est pas le Hellfest, comme c'est une association, ce sera un billet en plus à racheter, un billet qui coûte 60,60 €. Ou dans le détail, 64,10 € plus 2,50 € de frais de service pour arriver à 66,60 € net. Et c'est le clown qui a décidé de ce prix. Donc, à travers une interview donnée pour Rock Hard et qui est parue au même moment que l'annonce, sachant que l'interview remontait en arrière au 23 novembre, je crois, enfin, elle était un peu plus tôt, ouais. Ben explique qu'en fait, c'est un concours de circonstances. Que ça vient pas forcément du Hellfest, c'est que le Knotfest voulait s'implanter en Europe, tester un truc, mais qu'ils n'étaient pas sûrs que ça marche aussi bien. Donc, ils se servent un peu de la popularité du Hellfest pour assurer une quasi-vente automatique des places, un site qui est déjà préparé, et que ça peut rapporter aux deux. Le point qui est important, c'est que ça ne sera pas une nouvelle chose qu'il y aura tous les ans. C'est un one-shot. Ben a été très clair là-dessus, il a dit, voilà, c'est la première, on le fait, c'est aussi intéressant pour nous que pour eux, donc on le fait. Ça change complètement la donne de la mise en place du festival, parce qu'il faut quand même que dès la fin du dernier concert du Knotfest, ben, tout soit prêt pour le lendemain matin à 10h et que ce soit le Hellfest qui commence. Donc ça va forcément demander pas mal de logistique, un tout nouveau truc. Et donc forcément... Refaire débourser 66 €, c'est quelque chose qui est un petit peu... Comment dire ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent qu'ont pu découler de cette annonce. Parce que là, on peut quand même dire, en fait, au final, le truc a été un peu accueilli en mi-figue, mi-pomme d'api, je trouve. Surtout pomme d'api. Ouais. Ouais, surtout pomme d'api. Donc moi, il y a des choses que j'ai pas vues, t'as des choses que t'as vues. Bon. Déjà, toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as appris ? Bah, j'ai trouvé ça... intéressant, ouais. Ouais, ouais, dans tous les sens du terme, justement, quoi, en me disant, ouais, puis sachant que c'est un one shot, bah voilà, ce sera pas un truc prévu tous les ans où il faudra, comme tous les rageux peuvent le dire, ouais, faut encore débourser, machin. Donc là, bah voilà, après, ceux qui peuvent le font, ceux qui ne peuvent pas, malheureusement pour eux, bah il y a toujours le Metal Corner, il y a toujours le site du Hellfest, le Hell City Square, ça changera pas tout la donne par rapport à ça, c'est juste, bah voilà. Mais non, moi j'ai été plutôt agréablement surpris de voir ce petit festival s'implanter juste pour cette année sur le site du Hellfest. Et oui, après, une question de logistique, tout est prêt, tout est... donc il est légitime qu'ils demandent que ce soit un partenariat avec eux, sans qu'ils s'installent, comme a pu le faire au début dans le Node, apparemment, qui était très... très vide de décor, très... ouais. Tu vois, donc, plutôt que faire un pétard foireux, bah, qui s'installe sur le site du Hellfest, moi, je trouve ça plutôt cool, tu vois, dans l'idée. Je suis d'accord. Moi, c'est... je comprends tout à fait, parce que c'est clairement Slipknot, au milieu du Hellfest, c'est pas du tout déconnant. Et quand tu regardes bien, en plus, les groupes qui sont annoncés, c'est vraiment des groupes qui étaient... qui manquaient. Cette année, mais pas manquer dans le sens ah l'affiche est vide, mais c'est des groupes qu'on attendait plus ou moins. Ouais. Enfin, moi, Behemoth, je pensais qu'ils allaient venir. Rob Zombie, on en avait un peu entendu parler, c'était pas sûr. Ouais. J'avais vu un commentaire qui disait que Papa Roach revenait aussi. Donc voilà, même si Coffee Toll, on avait dit tous les deux qu'on pensait qu'il serait là. Ouais. Donc ça, c'est le premier point qui est important. C'est pas déconnant sur le principe. Après. Moi, je me suis posé la question de savoir un peu pourquoi les gens réagissaient comme ça, en dehors du fait qu'il faille encore débourser de l'argent, ce qui est un point que je peux totalement comprendre. En fait, je me suis demandé si ce n'était pas une question de timing. Vu qu'en ce moment, en France, c'est la galère et avec les gilets jaunes, et le principe que tout le monde crie sur le fait qu'on doit débourser de l'argent, toujours, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de colère qui s'est juste reporté sur ce moment-là. Tu vois, se dire, ah, ça tombe au moment. Ouais, tu veux dire que c'est un effet de masse, quoi. Bah, c'est-à-dire que ça suit le reste, en fait. Ouais. Les gens se plaignent du gouvernement parce qu'on les taxe. Les gens se plaignent de ça parce que ça tombe au moment où il faut encore retourner de l'argent. De base, forcément, les gens, en fait, on leur aurait juste dit, il y a une journée en plus. Voilà, il n'y a rien à payer. Genre, j'aurais juste fait, génial, super. Bah oui. Parce que je m'étais aussi imaginé s'ils avaient fait, en fait, l'annonce autrement. Imagine si, dès le début, en fait, au final, tout ce qu'ils ont fait avec le code et le craquage, c'était pour arriver à ça, en fait. Arriver à annoncer que cette année, tac, mais dès avant la mise en vente des passes, tu vois, ouais. Cette année, il y aura une journée spéciale. Par contre, c'est un truc séparé du Hellfest, on est obligé de le facturer en plus, il n'y aura que 40 000 places. Eh bien, je pense que ça aurait été un peu mieux accueilli. Les gens se seraient dit dès le début, ok, ça va être comme ça, donc je peux, si je peux le faire, je le fais, ouais. Si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Mais il n'y a pas le petit côté de se dire, putain, on a déjà déboursé tant, il faut redépenser tant. Ouais, ce que tu veux dire, c'est l'effet de surprise qui est mal passé, quoi. Qui était un mauvais timing. Ouais, ouais, complètement. Je me suis posé cette question-là, tu vois. Parce qu'au début, forcément, les trois quarts des gens aussi. Enfin, les trois quarts, non. Les gens ont mal réagi dans le côté faut encore payer. Ouais. Alors que quand tu poses deux secondes les choses sur la table, c'est pas le Hellfest qui organise ça. Bah oui. Eux, le Hellfest, ils l'ont dit, en fait, c'est la première fois historiquement que leur tête d'affiche était déjà quasiment signée. Ils avaient déjà les trois. Ils avaient Manowar, Kiss et Tool. Ouais. Et là, ils discutent avec Slipknot, ils se rendent bien compte que Slipknot, ça ferait une super tête d'affiche. Et Slipknot veut faire un truc, donc le Hellfest pouvait pas dire non à ça. Ouais. Pas la première édition du Knotfest en France. Ils pouvaient pas dire ça. Et ils pouvaient pas trouver forcément un autre arrangement. Ils allaient pas faire passer Slipknot après Manowar, par exemple. Ça n'aurait eu aucun sens. Eh oui. Enfin, pas en termes, pas, je veux dire, ou avant Manowar. Donc, c'est cohérent qu'ils fassent ça de cette manière-là. Mais je pense qu'en fait ça a merdé au niveau peut-être de la manière d'annoncer, peut-être aussi sachant que le truc a fuité partout et qu'entre le moment où l'annonce sort, les gens sont en train de se dire putain c'est cool, c'est une surprise, et au moment après derrière faut racheter une place, tu vois, ouais. C'est, en fait je me dis qu'au final si le tout ce qu'ils ont fait de communication était vraiment que pour Tool, c'est bien, mais ils avaient ça sous le coude aussi. Ouais. Ils avaient ce truc là et je pense que en fait ce qui me fait dire ça aussi et ce qui te fait voir ça, c'est que les places ont été mises en vente vendredi dernier à 14h et j'étais persuadé que ça partirait en une heure. Ouais, bah ouais, moi pareil. C'est pour ça que fait amusant, je le dis là, on le dit là tous les deux, nous n'avons pas de place pour le Hellfest mais nous avons une place pour le Knotfest, donc c'est amusant déjà. Oui, voilà. C'est un premier point amusant. Et sur le coup, la moitié des places s'est vendue en une demi-heure, une heure, je crois. Ouais. C'est parti très, très vite. Moi, je me souviens que j'ai réussi à me connecter, fait amusant, quand tu te connectais à 14h ou un tout petit peu avant, ça te faisait un décompte avant. Et moi, ça a fait genre 5 secondes, 3, 2, 1, et au même moment, ma mère m'a appelé. Oh, punaise. je redoutais ça. Je lui ai raccroché au nez. Enfin, je lui ai pas raccroché au nez, j'ai juste renvoyé l'appel. Et du coup, je me suis connecté, je me suis retrouvé 18 millième. Ah, j'étais 11 millième. Ah, bah. Et du coup, après, ça a descendu, et ça a bloqué à 4000 quelque chose. Ça descendait de 50 en 50, moi. Ah, moi, ça a bloqué à 4000. Et d'un seul coup, ça s'est balancé, j'ai pu aller prendre ma place. Ah ouais, ouais. Ah, moi, j'ai été jusqu'à zéro, vraiment. Ah non, pas moi, non. Non, non, et du coup, j'avais même ouvert une deuxième fenêtre au cas où pour. Ouais, bah. Enfin voilà, et donc aujourd'hui, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours plus tard, il reste encore des places. On peut toujours acheter une place. Donc ça veut dire qu'il y a eu 20 000 places de vendues, un peu plus peut-être, 25 000, disons, ouais. 30 000 même, on ne sait pas. Mais il n'y a pas toutes les places de vendues et tout le monde peut en acheter. C'est vrai qu'on a mal présenté le truc. On n'est pas obligé d'avoir un billet pour le Hellfest pour y aller. N'importe qui peut prendre une place, venir passer la soirée avec Lisson et repartir. Voilà. On n'aura pas accès au site du Hellfest les autres jours ni rien. C'est un billet spécialement pour le jeudi soir. T'as des gens qui viennent. Ouais, après, il y a aussi ce côté-là. Il y a des gens qui viennent que pour une journée aussi au Hellfest. Aussi, ouais. Il y a ça. Il y a aussi des gens qui peuvent peut-être pas être là dès le jeudi à cette heure-là. Parce que souvent, le jeudi, c'est une journée un peu bâtard où on arrive quand on arrive. Ouais. Donc, ça, c'est une problématique un peu plus. Parce que ouverture des portes à 14h, ça fait tôt. Premier concert à 17h. Ça fait tôt. Ça fait tôt. Ça veut dire qu'il faut vraiment arriver de bonne heure. Ouais. Il faut arriver à s'installer avant ou alors tu pars du principe que tu t'installes après. Ouais. Donc c'est... Mais de bon, nuit. C'est un, toujours un peu plus compliqué. Après, le point, je dirais, pour moi, en dehors du fait de devoir débourser encore, si on fait le calcul, franchement, 10 groupes, 66 euros, ça fait 6 euros le groupe. Ça va. Ça va. Franchement, ça va. Pour un mini-festival, pour une journée de plus, c'est forcément, c'est toujours de l'argent en plus. Ça, on est d'accord. Mais c'est une belle affiche. C'est une très belle affiche. C'est clair. Donc, il ne faut pas non plus cracher dessus. Ça fait quand même une quatrième journée, enfin, un quatrième soir. Voilà. Moi, en fait, le seul point le plus négatif pour moi, c'est d'un côté 40 000 places. En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen, genre, de faire... T'as que 40 000 places, donc déjà, c'est peu, mais il n'y a que les main stage. Ouais. Donc, ça veut dire on va être mal placé, les gars. Ah bah oui. On va être très mal placé. Bah, sauf ceux qui sont bien placés. Sauf ceux qui sont bien placés. Mais ils vont emmerder ceux qui sont mal placés. Enfin, voilà, 40 000 places, que les main stage, dur. Ça va être énorme. Ça va être un peu dur. C'est dommage qu'il n'y ait pas le bon nombre de places. Parce que ça veut dire que chaque mec qui a son pass Hellfest ne peut pas avoir son place notre fest. Ouais. Ça, après, c'est au choix et libre arbitre de chacun. Et du coup, il y aurait peut-être même pu avoir une option. Tu vois, vraiment, le côté... Je sais pas, mais essaye de voir le truc comme ça. Imagine... mise en vente des places, le temps, et genre, une journée en plus, bam, possibilité, quand tu commandes, tu choisis ou pas. Tu vois ? Ouais. Là, du coup, t'es en mode, bah, tu dépenses plus, mais tu le sais. Moi, je pense que c'est vraiment ce décalage qui a plus gêné. Mon... Ouais. Et qui est tombé en pleine crise en France, où tout le monde veut tout et n'importe quoi. On va pas faire de politique, c'est pas c'est le... C'est au bon vouloir de chacun. C'est pas le délire du truc, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, je comprends les gens qui sont un peu énervés, mais en même temps, c'est là où tu vas pouvoir intervenir, toi, et me dire, il y a eu un message de Ben où lui aussi était en colère. Oui. Et un message qui est... un message qui a été retiré, apparemment, été retiré. Assez rapidement. Ouais. Mais ouais, je suis tombé dessus. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est vraiment Ben ? Bon, il y avait... apparemment, c'était vraiment sa page. Ouais. Mais ouais, ouais, il était vraiment remonté contre les gens qui râlaient, qui râlent tout le temps, contre tout ça, contre le fait que bah, ils sont jamais contents parce que l'affiche du Knockfest est pour eux meilleure que celle du Hellfest. Ce genre de trucs qui sont pas du tout légitimes parce non. Que bah, le Hellfest a 160 groupes. Ouais. C'est, en général, pour ma part, je pense que c'est les gens qui fréquentent 3 jours de main stage non-stop. Hein. Mm-hmm. Qui vont pas faire les curieux sur les petites scènes, parce qu'il y a d'excellents groupes sur les petites scènes, et qui sont des fois même meilleurs que certains groupes renommés. Bien sûr. Donc voilà, y a pas, je trouve que leur gueulage n'est pas du tout légitime, et que bah, pour moi, c'est de la connerie, pure et simple, de gueuler pour ce genre de truc. Le fait qu'il faille payer, ouais, ça... Bah voilà, mais c'était... Il l'a bien expliqué, que c'était un... pas son choix, enfin qu'il a, voilà, ouais. Que ça a été une proposition et qu'il a accepté volontiers parce que oui, bah après on va pas cracher dans la soupe non plus quoi. Bah, ouais. Et donc oui, il a été assez remonté et il a eu des propos assez virulents, on va dire. Hein. C'est peut-être pour ça que le poste a été retiré parce que voilà, je pense que sur le coup, c'est vrai que ça peut énerver et que moi je comprends parfaitement hein, que. Bah ouais, peut-être qu'il s'attendait à un côté. Putain, regardez les gars, j'ai encore ça sous le coude, tenez. Bah oui. Et que du coup, pétard mouillé. Tu vois, ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'au final, c'est ce qui, les gens, comme tu disais, qui trouvaient que l'affiche était meilleure, ce qui les embêtait, c'est de devoir repayer pour cette affiche meilleure, bah oui. Au final. Pas c'est que l'affiche ça. Soit possible. Ouais. Donc on en revient toujours à une histoire d'argent, qui est légitime, encore une fois. L'argent, c'est toujours un problème légitime, on peut ou on peut pas, mais... c'est pas... Moi, en fait, au niveau de l'argent, le petit point qui m'a fait tiquer... C'est de savoir que quand tu lis l'interview, il explique que c'est le clown donc, qui a choisi le tarif de 66,66€. Quelque part, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'ils font ce qu'ils veulent en termes de tarif ? Tu vois ? Ouais. Tu vois, c'est ça que je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas une manière de dire on fait un tarif pour tout le monde cool ? Genre, limite, c'est notre première édition en France, on l'a fait avec le Hellfest, on ne gagne pas trop d'argent, on fait un prix correct. Ouais. J'extrapole, hein, j'en sais rien. C'est peut-être ça. Tu vois, un truc comme ça, on fait 66 euros, ou vraiment, ils ont mis un prix en disant on s'en fout, de manière on va gagner plein d'argent quand même. C'est ouais. Je sais pas, mais le fait est que ça reste un prix correct, mais c'est un prix qu'il faut quand même ressortir. Voilà. Donc les deux hein, sont tout à fait Oui. Oui, oui, les deux séparément, bien sûr, sont corrects. Mais voilà. C'est vrai que ça fait toujours un peu plus d'argent. Les gens ont toujours l'impression de dépenser plus. Ouais, et puis le fait, bah oui, de gueuler parce qu'il faut dépenser plus, c'est sûr que tout le monde n'a pas non plus un compte en banque illimité. C'est obligé. C'est vrai que voir tous ces noms, forcément, ça fait un peu rêver de se dire putain, merde, sérieux. Et je comprends le fait aussi que bah ils disent derrière. Putain, ils pourraient être à l'affiche du Hellfest et on pourrait les voir parce qu'on a nos passes du Hellfest, ouais. Mais on n'a pas assez pour débourser 66,60 encore pour aller voir les groupes qu'on voulait voir au Hellfest. Je ça, comprends. Ça, c'est compréhensible, mais en même temps, c'est aussi donc dénigrer les autres groupes d'une certaine manière. Exactement. Donc après, c'est forcément... Il y a des groupes que je préférais, genre déjà Slipknot, je le mettrais à la place de Manowar ou de Kiss sans aucun problème. Mmh. Mais c'est pas pour autant qu'ils méritent pas les deux autres groupes. N'étant pas un gros fan, moi aussi, forcément. Donc... faut pas non plus. Et puis il y a pas de Manowar Fest, donc du coup. Du coup non. Ce qui est ballot. Bah oui. Mais bon, non. Donc après, pour ce qui est du message de Ben qui a été retiré, bah ouais. Alors déjà c'est sa position qui empêche ça en fait. C'est normal qu'il soit énervé et tout ça, mais il peut pas non plus se permettre de dire tout et n'importe quoi. Ce qui est dommage. Il y a eu un truc comme quoi il disait de qu'il ferait mieux d'aller au download, les gens pas contents. Et ouais, c'est ça. Ouais. En fait, que c'était des touristes qui, je crois, qui fréquentent que les main stage, un truc comme ça, et que c'était des... Il parlait de touristes et que, ouais, il ferait mieux d'aller dans l'autre, ça lui fera des vacances ou un truc comme ça. Mais heureusement, il doit y avoir un community manager qui est passé par là qui a dit excuse-moi, Ben, je viens de lire ton message. C'est pas bien. J'aime beaucoup la tournure de tes phrases, mais est-ce que tu crois que pour l'image, je dis ça. C'est ça. Je dis rien. Donc, ouais, après, ça se trouve, c'était un coup de sang. Et puis, Ah, mais c'était sûrement ça, parce que. Mais je comprends parfaitement. Hein, en vrai, en plus, quand tu lis l'interview qui a été mise, alors peut-être que les gens n'ont pas lu, parce qu'elle est restée sur le Facebook un petit peu, ouais. Par Rockhard, sur le Facebook de Rockhard, et elle est disponible dans le Rockhard de ce mois-ci que je n'ai pas acheté. Ah, je devais l'acheter hier. Bah, moi, je devais l'acheter vendredi, et je sais pas, j'ai pas du tout pensé. Et en fait, il a très bien expliqué. Il a dit, ouais, il va falloir ressortir des sous, on va se faire engueuler encore et tout ça. Donc, voilà, il est lucide. Bah oui. Sauf que. Il sait forcément à quoi s'attendre. En vrai, quand tu poses des choses, c'était pas possible de refuser. Parce qu'il n'y avait pas de raison de refuser. Parce que voilà, c'est une opportunité qui est cool. Bah oui. Mais voilà, on en arrive toujours à la même chose. Ceux qui peuvent payer, payent. Ceux qui ne peuvent pas payer, bah, ne peuvent pas payer. Voilà. C'est ça. Mais c'est compréhensible. Mais il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas le Hellfest. C'est le Hellfest et le Knotfest. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je pense que c'est... C'est marqué, de toute façon. Ouais, ouais. Non, mais Knotfest, c'est... viande, Hellfest. Ouais. Non, mais c'est important de... C'est important que ce soit précisé parce que, justement, que les gens ne fassent pas un amalgame en disant, bah, super, machin. Non, c'est un truc en plus. Bah oui. Voilà, donc... c'est un peu... Ça serait un peu la même chose que les gens qui gueuleraient avec le culte en disant, ouais, non, mais il faut encore payer pour le culte. Oui, mais tu n'es pas obligé. Bah, c'est ça. En fait, c'est toujours ce truc-là. T'as des trucs en plus quand t'es au culte, mais t'es pas obligé de le faire. Bon, là, après, t'as l'affiche hein, qui fait forcément que... Ah, ça fout les boules. Ah, je suis d'accord. Là, je comprends que c'est... Ah non, mais là. Oui, non, mais je suis d'accord, là. Mais fout les boules parce que c'est une affiche populaire. C'est une affiche qui est voilà, très populaire. Ouais. Donc, voilà, mais l'affiche qu'on a eue est très bien aussi. Il y a plein de trucs qui vont pas. Clair. Donc, effectivement, tu trouverais facilement 10 groupes à dégager en disant, bah, c'est pas comparable. Mais c'est pas comparable. Ben non. Donc voilà. Donc c'était la grosse news de cette dernière quinzaine. Voilà. Et d'ailleurs, je te propose qu'on commence dès la semaine prochaine à écouter groupe par groupe, en plus de nos groupes à écouter. Bah ouais, du coup. Donc on fait dans l'ordre de marqué, on commence par Amaranth. Hein, qui est... Bah là, c'est marqué Slipknot et Rob Zombie, moi. Ouais, non, on commence dans l'autre ordre, on se garde le meilleur pour la fin. Ah, tu veux... Oui, plutôt. Ok. Donc, je prends Sick of It All. Non, on fait un, tous les deux. Un, d'accord. Bah, il y en a 10. Ah, on fait un, d'accord. Voilà. Amaranth, donc on écoute Amaranth. Tous les deux, tous et on en reparlera. Ok. Donc, je sais pas si tu connais. Deux noms. C'est du pop metal. Voilà. Ok. Donc, non, bah, écoute, rien qu'avec ça, ouais, tu devrais avoir envie de te crever les yeux. Eh ben, peut-être les tympans. Je ne sais pas. On va voir. Donc, mais parce que ça mérite de se crever les yeux. Non. Enfin, ouais, on en reparlera. Ah, voilà. Donc, on peut louper 17h. On peut arriver à 17h30, 18h moins le quart. Attends, ça dépend. Peut-être que. Bah, j'ai pas énormément écouté, mais le peu que j'ai écouté, j'ai fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas pour toi. Oui, voilà. Ça peut laisser 3 quarts d'heure de plus pour s'installer en même temps. Oui. Oui, oui, oui, tout à fait. Après, ouais. Ça dépend à quelle heure on arrive. On n'en a même pas discuté, on discute pas. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on arrive déjà? Déjà. Est-ce qu'on passerait pas au groupe à écouter? Ah bah dis donc. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu sur Facebook, on s'est retrouvés, moi et Bob, autour d'une bière. On a fait un petit tirage au sort. Donc maintenant, on prend, pour l'instant, on a calculé, on fera 4 groupes chacun. Et on verra, normalement, dans le nombre d'émissions devrait suffire à ce qu'on ait tout balayé. Qui me paraît correct. Du coup, ma première question sera, est-ce que tu as écouté des bonnes choses cette semaine? Des bonnes choses sur mes 4 groupes? Oui. Ouais. Eh bien, tant mieux. Voilà, merci. Merci. Non, je pense qu'on finira aussi par un truc genre, est-ce que tu iras voir le groupe? Est-ce que tu achèterais un CD? Ou est-ce que tu le mettrais dans une playlist où ça dégage? Tu vois, un truc un peu... Ouais, ok, non, pas de souci. Après, tu s'appelais dans plusieurs cases. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, je te laisse commencer. Alors, moi, je me suis retrouvé avec Clone. Alors, Clone, qui est un groupe de métal progressif français. Cocorico. Originaire de Poitiers, dans la Vienne. Futuroscope. Ouais. Formé en 95 sous le nom de So What. Jeu de mots. So What, c'était S-O-W-A-T. Pour ceux qui veulent rechercher, So What. So What. D'accord. Tout simplement. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Ce n'est qu'en 99 qui se feront appeler Clone. Avec un K. Avec un K, bien sûr. Soyons précis. Voilà. Tiens, d'ailleurs, petite précision autre, ils joueront en Main Stage 2 le vendredi. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Donc, 2019 sera leur troisième passage au Hellfest. Ah, quand même! De qu'est-ce que j'en ai compté. D'accord. Peut-être que je me plante, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que j'en ai vu. Donc, le premier était en 2007 et le deuxième en 2011. Ah, mais pourtant, 2007, y était? Non, j'étais pas en 2007. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. 2011, oui, par contre. Ah, bah tu vois. Donc, j'ai écouté Here Comes the Sun, oui. Duplicate et Black Days. Donc, ils ont 7 albums quand même, hein, donc, ouais. Dont un Unplug. Ouais. Voilà. J'ai écouté le premier album, le moitié de carrière, et le dernier album. D'accord. Voilà. Donc, Duplicate, le premier album. Sonne vraiment métal, hein. Aussi bien au niveau de l'instrumental que de la voix, c'est vraiment métal, je pense, pur métal, hein, tout simplement. Avec quelques petits passages progressifs quand même, ce qui peut faire comprendre leur dernier album, justement, enfin, disons le chemin qui les conduit au dernier album. Ouais. Here Come the Sun? Non, ça c'est pas Here Come the Sun, c'est Black Days, si je me trompe pas. Donc Here Comes the Sun, c'est le dernier album. Ah bah c'est ça. Et Duplicate, pardon, c'est le premier. Et Black Days, c'est le moitié. Oui, mais Here Comes the Sun, c'est le dernier. C'est le dernier, ouais. D'accord. Ouais. Avec la pochette très, très zen, peu orangée. Voilà. Donc voilà, j'ai marqué. Here Comes the Sun est un album vraiment très posé, très progressif. Voilà, non agressif. Oui. C'est vrai. C'est très, très zen, hein. C'est très cool. J'y ai décelé un peu de Opeth, tu sais, les morceaux cool de Opeth. Un peu de Midnight Hall aussi, un peu dans l'esprit. Album très calme, très aérien. Voilà. Comparé à Duplicate, qui est plus une voix métal et vraiment un instrumental métal. Ouais. Là, on est sur du... ouais, comme je te dis, c'est très très cool. Enfin, apparemment, t'as écouté. Ouais, un peu, ouais. Et ouais, c'est très très cool et c'est très prog, hein, on ressent bien le... Ouais, le côté cool, les zen. Un petit de petite info, tu vas en parler ou pas de leur concert, leur tournée acoustique? Non. Ben, en fait, c'est eux qui accompagnent le Fofora. Ok, d'accord. Et en fait, Nico les a vus en concert. D'accord. Ils étaient en première partie de l'UFO. Sympa. Ouais. Il en a pensé quoi? Je crois qu'il a bien aimé. D'accord. Oui. Ça m'étonne pas. Ouais, non, non. Ouais, parce que moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Même du premier... le deuxième que j'ai écouté, Black Days, j'ai trouvé ça un petit peu trop... Je vais dire le gros mot. Mainstream, pour moi. Ouais. Après, voilà. Le premier et le dernier, donc j'irai certainement écouter, parce que j'ai bien aimé, donc du coup, j'irai certainement écouter le reste de leur disco. Le dernier est très cool. Tu peux l'écouter pour te poser tranquillement, quoi. Et le premier, bah après, c'est du métal, donc c'est... Tu l'écoutes dans ta bagnole, en allant au taf, quoi, par exemple, hein, le matin, pour te mettre un petit coup de fouet, tranquille. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis l'évolution du groupe en elle-même était plutôt... Bah du coup, oui, tu vois bien qu'il y a une vraie évolution. Après, une évolution dans leur sens à eux, mais il y a une vraie évolution, quoi. Donc ouais, c'est un groupe qui a tenté des trucs et, pour moi, qui sont réussis. D'accord. Donc voilà. Moi, j'ai pas assez écouté pour avoir un retour aussi avancé que toi. Je sais que j'ai écouté un peu plus de Here Comes the Sun, mais en fait, à chaque fois, je trouvais ça un peu trop calme, justement. Moi, j'étais en mode... Pour moi, il manquait le... En fait, de voir que c'était à ça qu'ils arrivaient à la fin, ça m'a moins intéressé, en fait. Ouais. Moi, j'avais envie d'autre chose, mais j'approfondirai un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir raté quand même un truc. Et puis, j'avais un truc avec la voix du chanteur qui est trop envolé un peu. Ouais. Ça, ah, c'est très aérien, hein, c'est clair. Ouais, mais c'est ça. Et ouais. Du coup, c'est moins ce que j'aime, moi. Je dis pas que ça se marie pas avec la musique, je dis que ça me manque peut-être d'un peu plus d'accroche ou de taper dans le dur, quoi. Ouais. Donc, Perso, j'achèterais pas le dernier, mais peut-être le premier. Ouais. Ouais, plus facilement. C'est plus ma cam, mais... Mais du coup, le problème, c'est que maintenant, ils doivent plus être trop comme ça. Tu vois, vu qu'ils en sont arrivés à... Ah bah oui, c'est ça que je me disais, justement, en concert, comment ça se passe, quoi, bah, du coup. Bah surtout, en plus, que comme là, ils ont fait un truc acoustique, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont de plus en plus vers le calme, moi. Ouais, bah oui, c'est ça, mais est-ce qu'ils reprennent des vieux morceaux? Bah sûrement, ouais. Faut voir. Donc, mais... C'est fort possible, certainement. Après, pour Hellfest, ils vont reprendre quand même des morceaux plus métal. Après, ils sont en main stage, hein, c'est pas grave. Hein. Oui. C'est moins... C'est ça. Bon, on n'a pas l'heure, pour l'instant. Pour l'instant, non. Non, non. Mais voilà. Mais du coup, tu irais les voir Bah, s'il n'y a rien qui me botte en face, que je ne suis pas parti pisser, bouffer, boire une bière ou moult activités champestres, ouais, je pense que j'irai les voir. Oui, mais donc, si y a plein de trucs, donc tu n'es pas en train de dire, tu iras les voir... Volontairement. Voilà. Voilà. Mais plus en second choix. Ouais, non, je pense que j'irai faire le curieux si j'ai l'occasion et que j'y pense et que je puis dire, ah putain, merde, je les ai... Enfin, tu vois, que j'y pense, quoi. Mais tu les mets pas en truc comme... Prioritaire, non. Non, d'accord. Mais volontiers, j'irai les voir et si je passe par là. Et tu pourrais acheter un CD quand même. Non, je pourrais pas acheter, mais je te dis, si j'avais plus à acheter, ce serait plus le début de leur discographie. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Donc, et donc, qu'est-ce que je mettrais allez, 4 étoiles sur 5, hein, pour dire. Je ne sais pas. Bah, c'est bien déjà 4 étoiles sur 5. Ouais. Ils ont bah, c'est pour le tout, en fait. Je pense que, ouais, en fait, t'as apprécié le voyage. Ouais, ouais, ouais. Mais peut-être... Oui. Mais il faut que j'écoute le reste pour mettre 4,25. Non, mais parce qu'en fait, je suis d'accord. Est-ce que ça aurait pas mieux marché dans l'autre sens, en fait, tu vois? Pas forcément. Parce que du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont virer les... Merde, c'est leur problème, ça. Non, mais je veux dire, s'ils se calment de plus en plus... Ah bah après, je sais pas. Ils vont passer au synthé, et puis... Ah ouais, ouais. Non, mais voilà, non, mais c'est... En tout cas, ce qui est intéressant, encore une fois, et ce que nous a déjà montré l'année passée, c'est de voir la richesse de ce que proposent les groupes français. C'est clair. Voilà, donc c'est... Complètement. Tu sais, je voulais marquer un petit truc sympa. Tu vois. C'est bien. De mon côté, j'ai écouté Morning Again, qui jouera en Warzone le dimanche. Alors avant toute chose, je tenais à dire que je pensais que c'était un groupe de punk californien. Parce que ça, je trouvais que le nom faisait punk californien. Ouais. Et en fait, Morning Again est un groupe de metalcore originaire de Floride. Connu pour leur son metalcore ainsi que pour leurs idées straight edge, végétaliennes et anti-gouvernementales, le groupe était un groupe sœur du groupe Culture, changeant souvent des membres après que l'un ait quitté l'autre. C'est important. Ah, okay. Plusieurs membres ont ensuite joué dans d'autres groupes tels que As Friend Rust et Dead Blue Sky. Le groupe a été actif pendant plusieurs périodes, à savoir de 1995 à 1999, puis de 2000 à 2002, 2011 à 2012, 2014 à 2015, ah oui. Et depuis juillet 2018. Du coup, le groupe a connu plusieurs labels, 6 ou 7. Ah, quand même. Pour combien d'albums? Eh ben, c'est ça le problème, j'ai eu beaucoup de mal à compter. Parce qu'il y en a beaucoup? Non, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'EP, et que t'as l'impression que les albums, d'accord, c'est des compiles, et que Je dirais qu'il y a 2-3 albums et des machins, mais pas récents en fait. Donc ouais. C'est vachement complexe. Donc c'est hyper... voilà. D'accord. J'ai eu beaucoup de mal. Par exemple, ils ont sorti un EP là cette année de 3-4 titres et une intro. Et c'est le truc que j'ai le plus écouté d'eux. Parce que l'album que j'ai écouté d'eux avant, il me plaisait beaucoup moins en fait. Ouais. Mais parce qu'il y a aussi un changement de chanteur. Enfin, donc, Le groupe a fait plusieurs concerts de réunion où ils se sont retrouvés. Le premier en 2000 sous le nom de The Cleanest War, chanteur avec le chanteur original du groupe. Le second sous le nom Hand of Hope en 2002. Le 22 avril 2011, Kevin Bayer, second chanteur, est venu performer pendant le show de Groszig Festival en Belgique. En 2014, à un autre festival de hardcore belge avec le retour de Moyal en tant que chanteur. Et en 2015, le groupe tourne au Japon et aux States. Et finalement, en juillet 2018, a été annoncée la réunion du groupe et un enregistrement d'un nouvel EP intitulé Survival Instinct. Et du coup, en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce que j'ai écouté de cette EP, en fait, c'est un peu le chemin inverse, justement, pas du côté calme ou énervé, mais dans tout ce que j'ai écouté qui remonte à avant, que j'ai du mal à situer en tant qu'album, compilation, machin, j'ai un peu de mal. Donc, je ne m'aventurais pas à dire ils ont sorti tel ou tel album. Je n'ai pas réussi à réunir assez d'infos propres et sûres de moi pour en parler. Ouais. C'est que cette EP-là, même s'il y a 3-4 titres, je l'ai trouvé super bien et super abouti en tant que même truc de metalcore. Mmh. Ce qui a été fait avant, je le trouve moins réussi. Mais je le trouve aussi assez lié à l'histoire du groupe, en fait. Ouais. Qui est fait que de mélanges, de machins, de trucs. Et ça crée une espèce de... pas de truc forcément désagréable, mais qui m'intéresse moins. Par contre, ce que j'écoutais à la fin, le Morning Again d'aujourd'hui, je le trouve hyper prometteur. C'est comme quand t'écoutes un premier album, puis un deuxième et un troisième, et tu dis « Ah putain, ouais, là c'est bon, là, il y a un truc, quoi. Ouais. » Et le problème, c'est que j'ai un peu de mal à situer à cause justement de tout putain de changement. Tout changement, en fait. Hein. Mais du coup, quand j'écoutais, même sans connaître l'histoire, je me disais « Mais ouais, mais... » J'arrivais pas à accrocher, je trouvais vraiment qu'il y avait un peu un fossé entre les deux. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé une stabilité qu'ils vont garder? Est-ce qu'ils vont encore changer de nom un milliard de fois? Je ne sais pas. En tout cas, Morning Again est un groupe que je pourrais aller voir. Ouais. En Warzone en plus, qui est un peu une scène que j'aime beaucoup. Même si je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Peut-être que les anciens titres qui sont moins passés sur disque, en live, passeront bien dans une formation... En tout cas, j'aimerais c'est voir... C'est ça le truc. Voilà. Mais j'aimerais voir l'énergie déployée et ça m'a... Enfin, voilà. C'est... Je trouve ça assez... En même temps, je trouve ça assez bizarre d'inviter un groupe qui a toujours... qui n'a pas l'air stable, en fait. Ouais. Du coup... Après, il passe qu'une fois, hein, donc il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, mais bon. C'est un peu... Non, mais c'est plutôt de me dire... comment ils le connaissent, en fait. À quelle période ils l'ont connu et... Ah bah, après... C'est comme tout. Oui, voilà. Non, mais voilà ce que je pourrais dire. Donc, je pourrais acheter l'EP. Ouais. Je n'achèterais pas les anciens trucs. D'accord. Dans une playlist, ça passerait nickel. Non, je pourrais aller les voir volontiers, volontairement. Là, j'aimerais bien voir en live ce que ça donne. Ouais. Voilà de mon côté. Ok. Moi, je n'ai pas écouté. Non, c'est pas grave. Bah, tu voilà. Peux écouter l'EP, le 4 titres. Ça va très vite. Hein. C'est 2018, non 2000... Ouais. Ouais. Bah écoute, j'irai voir. Oui, en plus, j'ai le nom, il n'y a pas de souci. Bah écoute, pourquoi pas. Je t'en prie. Tout à fait. Donc moi, j'ai eu en deuxième Revocation, qui est un groupe de trash death metal technique américain, originaire de Boston, dans le Massachusetts. Ah oui. Et avant d'avaler. Oui, bah oui. C'est toujours mieux pour la digestion. C'est... Grave. Formé en 2000 sous le nom de Riptic Warning, ils ne sortiront qu'un album sous ce nom. Sanity's Aberration. Aberration. Ce nombre de groupes qui changent de nom. Ouais. Hein. C'est fou. Là, ils ont changé qu'une fois. Donc, ce nombre donc, de changements de groupe. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, ils ont sorti un album en 2005. Sanity's Aberration. Sous le nom de Cryptic Warning. Voilà. Donc il fait partie de leur playlist quand même. D'accord. En tant que Revocation. Ah oui. Ouais. Je l'avais pas vu. Mais ça. C'est bien marqué sous le nom. Donc voilà. D'accord. Ils changent de nom en 2006 pour venir à Revocation. Ah oui. Voilà. Oui. Il joue un thrash metal très technique, auquel s'ajoutent de multiples influences issues de tout genre de metal, donc le death, deathcore, hard rock même, et black metal. On le sent bien. Pas moins de 7 albums et 2 EP. Voilà. Et si je ne m'abuse, c'est leur premier passage au Hellfest. Je crois. Je les ai pas vus sur les autres affiches. J'ai toujours pas fait ce fameux truc. Ouais. Et je m'en excuse. Oh, il n'y a pas de mal. Donc voilà, bah, j'ai pas écouté beaucoup d'albums. Je crois qu'ils ont sorti pas mal. 7 albums. Sept. Voilà, en tout. Et justement, dans les 7 albums, il y a le premier album. Voilà. Ouais. Sanity's Aberration. On voit bien, hein, de la première écoute, hein, c'est du gros death metal technique. Hein, oui, oui. Hein, j'ai écouté le premier et le dernier, je crois, ouais. Ce qui est déjà pas mal. Le premier, au début, j'ai trouvé ça chiant, puis à 1:45, je me suis dit, ah, ça commence à devenir pas mal. Ouais. Ouais, et vraiment, ça part bien en trash. Et le dernier album, on voit bien le côté un peu hardcore, deathcore, tu vois, c'est, oui. Et c'est pas mal, franchement. J'ai trouvé ça assez intéressant, musicalement. Bien chiadé, bien péchu. Voilà. Un bon trash. Voilà. Ah d'accord. D'accord. Je m'attendais un peu plus. T'as pas senti le à la fin ouais, le mais ton qui baissait un peu parti, pardon. Là, je buvais tes paroles. C'est gentil. Ils ont aussi fait une reprise de Metallica qui est très très bien. D'accord. Dire Have. Ok. Très très bien. Bah, moi, c'est un des groupes que je connaissais. Comme okay. Sur cette affiche, parce que je l'avais découvert dans quelques pérégrinations avant la sortie de l'affiche, et ça a été un groupe qui m'a été proposé après avoir écouté. Je sais plus quoi. Un autre truc. Ouais, mais je n'arrive plus à savoir lequel. Un truc que j'écoutais beaucoup dans les sorties. Bon, bref. Et donc, moi j'aime bien, j'aime beaucoup aussi ce truc. Yep. Et je trouve ça vraiment en plus assez varié, quoi. Quand tu disais technique, c'est vrai qu'il y a même un morceau dans le dernier album. T'as l'impression que c'est du progressif, même à un moment donné, il n'y a plus de chant, il n'y a que de... Ouais. Et c'est... Ouais, c'est vrai qu'il touche un petit peu à beaucoup de choses. Ouais, ouais, c'est vachement... C'est ça qui rend intéressant le groupe en parce lui-même. Parce qu'en plus, en termes de pochette, ils ont une imagerie qui est un peu dégueu, qui pourrait faire penser ouais, à du black metal ou du death en colère, vraiment. Ouais. Alors qu'en fait, un peu dans ouais, l'esprit. Ouais. Un peu, ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Et c'est... Est-ce que c'est un groupe que tu irais voir, du coup? Oui. Oui. Ouais, ouais. Volontairement, là. Volontairement, s'il y a rien en face qui me botte plus. Après, je suis encore. On n'est qu'au quatrième groupe. Hein. Enfin, on n'est qu'aux quatre premiers groupes. Mmh. Donc, après. Et puis, on attendra la sortie du Running Order. J'allais dire 8 premiers. Parce que oui, les 8 premiers, oui, bien sûr. Attends, donc, voilà. Mais si j'ai l'occasion et que. Ouais, j'irai les voir volontiers. Ouais. Volontairement. Moi aussi, ouais. Ouais. Et est-ce que tu irais jusqu'à acheter un CD? Alors, j'ai pas tout écouté, donc du coup, j'ai écouté un petit peu à la volée pas mal de trucs. Il y a un morceau qui m'a énormément surpris sur un album, je ne sais plus le nom. Je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Et je pensais que le Spotify avait changé le groupe. Le groupe. Ouais. J'ai été voir, non, c'était bien eux. Donc, je crois que j'ai eu la même réaction, je crois. Un truc un peu limite dansant, tu vois. Ouais, très, non, mais... très, très con-con, bizarrement gay ou je sais alors, pas quoi. Non, pas du tout. Dans non, l'esprit. Pas bah, c'est pas du tout dans l'esprit trash metal. Quoi. Ouais, ouais, non. Mais... C'est plus un truc cool, dansant. Guinguette. Qui... Ouais, dans un l'esprit. Ouais, ouais. Puis j'ai dansé sur le plancher des vaches et tout, c'était sympa. Ah bah ouais, dis donc, moi j'ai pas écouté ça. Moi. Non. Le plancher des vaches ? Attends, je regarde. Ouais, regarde. Et ouais, non, parce que j'ai été vachement surpris. Donc c'est pour ça que je me suis dit, putain, mais en fait, il tape vraiment dans tout. Quoi. Ah, il tape dans tout. Et il y a un morceau instrumental qui m'a vachement plu. Ouais, non, j'ai bien aimé. Bah, le morceau instrumental, c'est pas un truc qui est long, justement et qui est... Parce qui est assez long, ouais. Parce qu'il y en a un qui est comme ça dans le dernier, justement. Bah, je crois que c'est dans le dernier, justement, que j'ai... Ouais, ça doit être le dernier ouais. Morceau. Il est très, très long et il est pas mal progressif, en plus. Ouais. Pour ça, tu vois, il m'a surpris. Je me dis, putain, mais c'est encore le même groupe. Quoi, ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Ah, non, et puis c'est... le fait que, ouais, il tape dans tout, moi, ça me botte bien. J'aime bien quand ça change, que c'est... Ouais, tu vas approfondir un petit peu. Ouais. Truc, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je garde ça sous le coude. C'est bien, parce qu'il a encore deux saisons dernières de groupes qui sont sous le coude. Ouais, bah écoute, attends, ça m'en fait. Hein, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. J'en ai pour toute ma vie, maintenant. En seulement 3 saisons. Enfin, en 2 saisons. Alors, mon second groupe, ce sera Rivalson. D'accord. Qui est un groupe que... C'est assez étonnant parce que c'est un groupe dont j'ai beaucoup entendu parler souvent et que j'ai toujours voulu écouter et que j'ai jamais fait l'effort au-delà à chaque fois d'une chanson. Ah oui. Ouais, en fait, ça remonte à la première édition du download. En fait, ils étaient... tu sais, je t'avais expliqué ou pas, mais quand j'étais là-bas, donc j'avais une accréditation en tant que photographe, et ils avaient envoyé un fichier PDF de 150 mégas avec toutes les autorisations de photos ou pas. Ouais. Genre, quel groupe on pouvait photographier, genre, ceux-là, les trois premières chansons. Gojira, c'était pas la première, mais les deux, trois, quatre. Et Rivalson, ils avaient aussi une particularité. Et en gros, moi, j'étais parti le dimanche avant que passe Rivalson et j'avais reçu un SMS de la prod, en tout cas, qui disait, pour photographier Rivalson, rendez-vous genre une demi-heure avant, fallait aller presque pointer. Ouais. Pour faire des photos avant. Donc et déjà, photographier que leurs jambes. Ouais, donc déjà, j'avais un petit a priori sur ce groupe lié à ça, que j'ai jamais perdu. Une espèce d'accord. De... Parce qu'en fait, les groupes qui commencent à mettre des règles sur les photos, en général, c'est des groupes qui ont déjà atteint un certain statut et qui se la racontent pas mal. Je veux dire... C'est pas... Non, il y a un truc comme ça qui est passé il y a pas longtemps, c'était pas... Le Perfect Circle. Ouais, le Perfect Circle, ouais. Ouais, mais eux, ça, c'est pareil, c'est des freak contrôle de l'image, ils se sont expliqués en interview, ils ont dégagé des gens de concert, mais... justement, tu vois, voilà, il se la raconte, mais ça fait partie de la légende, comme Tool et tout ça, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, j'ai rien contre le fait qu'à un certain niveau, les groupes disent on veut plus qu'il y ait tous les photographes, on veut qu'un ou deux, machin. Ça me dérange pas. C'est juste que Rivalson était pas encore tout en haut de l'affiche à ce moment-là. Et puis, je sais pas, voilà, tu comprenais pas. J'avais un a priori. Du coup, je l'avais, parce qu'en plus, plusieurs fois, j'ai quand même voulu réécouter pour me dire il faut que j'ai un avis sur ce groupe. Je sais pas, j'y arrivais jamais. Et ça m'a fait un peu ça au début quand j'ai commencé à écouter le groupe. Voilà. Et donc, je suis parti comme ça. Ouais. Alors, Rivalson est un groupe de rock américain originaire de Long Beach, Californie. Né en 2009 sur les cendres de Black Summer Crush, formé alors par Scott, Thomas, Michael et Robin. C'est possible. Ouais, ok. La naissance de Rivalson coïncide avec l'arrivée de Jeb Buchanan en tant que chanteur et au réenregistrement de l'album Before the Fire en lieu et place de Thomas. En gros, du coup, je suppose qu'ils ont changé de chanteur, ils ont réenregistré l'album. Ouais. Octobre 2015, donc là, j'ai un peu zappé hein, toute leur histoire, parce que il y avait des trucs... leur histoire était chelou, il n'y avait pas trop d'infos, il y avait des infos disparates. D'accord. Octobre 2015, le groupe enregistre son cinquième album, Hollow Bones, avec Dave Cobb en seulement 3 semaines. L'album sort le 10 juin. Après l'enregistrement, ils partent en concert avec Deep Purple en Europe. En 2016, ils font la première partie de Black Sabbath pour leur tournée mondiale d'adieu. Et ils participent à la première édition au Download Festival à Paris. D'ailleurs, ça serait à vérifier, mais si ça se trouve, ils étaient déjà passés au Hellfest. Peut-être en 2016, peut-être. Ouais. Peut-être, à voir. Le style de Rivalson est souvent comparé à celui des groupes de blues rock des années 1960-70, dont faisaient partie Led Zeppelin, Deep Purple, The Animals ou encore Free. Leur album Hidden, sorti en 2012, est inspiré de plusieurs styles de la même époque, allant du rock'n'roll au glam rock en passant par le rockabilly, le surf rock ou la soul. Ah oui, artiste large quand même, mec. Et effectivement, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai écouté un peu, j'ai pas réussi à trouver quelque chose parce que je tombais chaque fois sur quelque chose de différent. Ouais, bah oui. À noter aussi que le groupe a tendance à sortir un album, puis derrière un EP ou une version différente de l'album. Enfin, voilà, ils sortent beaucoup. Ouais. Mais leur dernier album date de 2016 et là, ils ont déjà dû sortir 2 titres pour 2018, donc il y aura sûrement un album à venir. Ok. Je me suis pas Black metal. Voir. Pardon ? Du black metal. Je ne pense pas. Mais donc, après avoir écouté en fait des albums en entier, ouais. J'ai enfin compris ce qui marchait ces jeux parce que c'est un groupe quand même qui est assez populaire malgré tout, ouais. Quand même qui marche bien. Et en fait, effectivement, ça reprend tous les styles nommés et l'essence du blues rock des années 60-70. Et en fait, je me suis dit que c'était sûrement l'un des meilleurs groupes à passer en soirée quand tu veux être à la cool, quoi. Okay. Tu te mets ça en mode tranquille et ça balaye tellement de styles que tu passes des bons moments. Il y a des vrais bons morceaux, il y a des vrais trucs intéressants et. En fait, c'est assez marrant parce que c'est pas du tout ce que j'irais écouter. Tu vois, et je pas dans le côté j'aime pas, mais dans le côté c'est pas mon style. C'est pas du tout mon style. Ouais. Mais je vois vraiment, tu sais, si je suis en train de manger à la maison avec des amis, ou je me vois carrément mettre ça bien en fond pour le côté moment sympa. Ouais. Comme je pourrais faire avec justement du Led Zepp ou du Deep Purple en fond, c'est un truc genre bien sûr. Du rock. Queen. Ouais, voilà, un truc de rock ancien. Ouais. Et ça fait un peu penser à ça. Ça sonne pas vieillot, mais ça me fait penser à ça. Ok. Du coup, j'ai plutôt bien aimé. Je saurais pas trop quoi conseiller, parce que j'aurais tendance à prendre les albums en playlist et les mettre tous. Ok. J'aurais pas forcément envie d'acheter un album. J'aurais pas forcément envie de... Je me vois pas genre me dire, tiens, je me mettrais bien un petit Rivalson. Je le garderais plutôt pour cette opportunité de le mettre en fond sonore de quelque chose. Et est-ce que j'irais les voir? Alors ça, c'est une question assez paradoxale. Je sais pas du tout si j'ai envie de les voir en live. Parce que ça fait pas forcément, encore une fois, partie... En fait, je me dis que l'association Main Stage, groupe que... où il va y avoir sûrement du monde, moi qui ai pas plus que ça envie de voir ce style, je sais pas. Ouais. Faudrait que j'écoute encore plus, que je connaisse encore plus, et peut-être que là, effectivement. Voilà, c'est ouais. Ce que je peux dire de Rivalson. Mais quelque part, je te le recommande quand même pour avoir ton retour sur le côté passe-partout musical. Ok, on verra ça. On verra ça. La tête reposée. Tout à fait. Je t'en prie. Tant que j'y suis, est-ce que tu veux reboire quelque chose ou ça va? Bon, ça va aller. Très bien. Ouais, ouais. Je préférais demander pour... Non, mais c'est gentil, tout. Ah, écoute, ça va nous faire de la réserve. Comme ça. Exactement. Les temps sont durs. Ouais, et les... J'ai l'impression que t'en as sur la patate, gros, ou que tu t'empêches d'en parler. J'en ai gros. On en a gros. Et donc, c'est tout bon ? C'est tout bon. C'est tout bon. Ok, on enchaîne. Donc moi, j'avais Yob, YOB. Est-ce que ce sont des initiales de quelque chose? Je ne sais pas. Qui vont passer sous la vallée le dimanche. Voilà, c'est ça. Vallée dimanche. Groupe de Doom américain, fondé en 96. Doom, Sludge, Stoner. Alors, d'accord, assez large. C'est assez large, mais en général, les groupes de Doom, souvent, c'est Sludge, Stoner. Ça... C'est souvent Sludge, Stoner. Ouais, j'aurais ça bien... réunit souvent ce... Le... Vous voyez bien Doom, Sludge. Après, Il y a souvent Stoner aussi. Ah ouais, ouais. Moi, de ce que j'en ai écouté, j'ai pas vu le côté Stoner. Moi, je m'arrête vraiment au Stoner Caius, tu vois. Bah donc, ouais, c'est pour ça, en fait, que j'avais un peu voilà. Stylé. Ouais, c'est vraiment la base, le piédestal, tu vois, du Stoner pour moi. Mais je ne vois pas ça dans Yob. 2006, une petite pause, hein, normal. Fondé en 96. Hein, donc, oui, d'accord. Groupe américain fondé en 96. Donc, ils font une petite pause en 2006, de 2 ans. Et hop, de retour en 2008. Et bim. Et bim. 8 albums avec plusieurs changements de line-up. 3 ou 4, je crois, hein, de ce que j'ai vu. Rien que ça. Après leur 4e album paru en 2005, The Unreal Never Lived, Sato, basse, et Travis, batterie, quittent le groupe. Comme ça. Et voilà. Et en 2006, Shade annonce qu'il met un terme au groupe pour se consacrer à un projet musical du nom de Midian. D'accord. Voilà. Le groupe se reforme en 2008 autour de Shade, donc guitare, chant, Foster à la batterie, et donc Foster revient, du coup, oui. Qui était du parti coup, parce que, oui, 2 ans plus tôt, revient, mais avec un nouveau batteur. Non, un nouveau bassiste, pardon, Aaron Risberg. Voilà. J'ai décroché à former en 96. J'ai décroché à Yob. De cette collaboration sortira pas moins de 4 albums. C'est leur 2e passage au Hellfest. Hey. De ce que j'en ai vu. Le premier passage étant en 2012. Mais dis-moi, c'était il y a un moment déjà ? Eh bah ouais, c'était il y a un moment déjà. C'était après 2011 du coup ? Ouais, mais avant 2013. Ah ! C'est pour ça. C'est ça qu'il faut qu'on sache. Mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, qu'en as-tu pensé, toi ? C'est lourd. Mm-hmm. C'est oh, Doom. C'est Doom. C'est Doom. C'est Doom. Ouais. Doom, Doom. Alors, j'accroche pas. Le Doom, ça me parle pas plus que ça. C'est ouais. Tellement lourd. Les basses sont très, très posées. Mm-hmm. Hein. Je sais pas trop parler de ce genre de groupe parce que j'ai pas plus... De retour que ça a à faire sur le Doom. Il y a un public, hein, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y a un public, mais moi, ça m'accroche pas. Moi, j'arrive pas. Bah, j'ai l'impression que le Doom, c'est quand même plus facile à écouter en live. Mais vraiment, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est lourd. Là, c'est un peu. C'est un peu oppressant ce côté. Ouais. Il y a. Il y a quand même quelques changements à différents. Alors, j'ai peur de confondre parce que Conan est un peu pareil. J'ai écouté un peu les deux ce matin. Mmh. Je ne vais pas dire de conneries, donc je vais plutôt rien aimer. Ouais. Donc, tu n'as pas accroché? Non. Je veux dire, j'accroche pas sur le Doom tout court. Sur fait. Le Doom tout court, ouais. Mais il aurait pu y avoir quelque chose en plus dans le groupe, tu vois. Bah, de ce que j'en ai écouté, ça reste très Doom, quoi. Ouais. Donc après, voilà, j'ai survolé pas mal de titres quand même, en me disant peut-être que je vais trouver quelque chose qui va me faire dire « Ah ouais, ok, d'accord. » Là, il y a un truc et tout. Mais là, non, j'ai pas réussi. J'en suis désolé. J'ai failli à mon devoir. Non, mais c'est pas grave, t'as essayé. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas des... T'aurais pas essayé, j'aurais dit « Ouais, non, t'es qu'une merde, mais là, ça va. » C'est bon. Ouais, d'accord, c'est cool. Ça et fait, du coup, alors, tu n'iras pas les voir? Pas forcément, non. Et tu achèterais un album? Pas forcément, non. Et imagine, t'as besoin pour caler un meuble. J'en ai plein d'autres. Ah bah d'accord. Mais ouais, j'en ai plein d'autres. Ok, bon, bah va pour ça. Je vais passer à mon troisième groupe, à savoir Koritni. Non. Qui passe en main stage le samedi. J'ai du John Butler Trio pour les meubles. C'est une vanne pour parcimonie, c'est drôle. Donc déjà, faut que je contextualise un petit peu pour voir. Tu vois... Ah merde, j'avais le nom. Difficilement, là, du coup. Là, tu l'as pas? Non. Roadhouse, avec Patrick Swayze. Roadhouse. Ah putain, quand il danse dans les bars, machin, là, c'est ça? Il danse pas, il est videur. Ouais, c'est ça. Il apprend. Bah, il danse. Bah, je me souviens pas qu'il danse. Tu confonds pas avec Jean-Claude Van Damme qui danse? Ah si, c'est ça. Voilà, ouais. Merci. Bah, tu sais, les films des années 70, moi, c'est pas ma gamme. Ah, c'est ça. Bon, est-ce que tu vois le genre de bar? Ouais, typique américain. Voilà. Imagine un bar typique américain. Et dans ces bars, il y a toujours une espèce de groupe qu'on peut entendre derrière ou qui joue. Ouais, où il y a de la baston. Et que ça vient vraiment accompagner. Il y a un style musique particulier. Ouais. Voilà. Et ben, Koritni, moi, ça m'a fait penser à ça. Ok. D'accord. Ça met dans l'ambiance, quoi. Ouais, non, mais c'était là, j'étais en mode, mais ça me fait vraiment penser à des trucs comme ça. Et c'est ni péjoratif, ni... voilà, ça me fait penser à ça. Ah oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Donc, Koritni est un groupe de hard rock australien originaire de Sydney. Il est formé en 2006 par Lex Koritni. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qui s'appelle Lex Koritni et le groupe s'appelle Koritni. Ah oui, ouais, oui, comme Bézu. Oui. Qui s'appelait Bézu. Voilà. Après la séparation du groupe Green Dollar Color, où Lex en est le chanteur, donc bah, il forme Koritni. Depuis 2011, les musiciens français Manu Levertoot et Yves Brusco. Ah bah oui, c'est typiquement français. Qui sont des. Enfin, dont Yves Brusco est un ex-trust. Peut-être que Manu aussi, mais je ne suis pas sûr parce que j'ai une connaissance en trust. Assez limitée. Puis ça donc, on remplaçait respectivement Luke Curden et Matt Hunter lors des différentes tournées européennes. Car c'est un groupe qui tourne beaucoup en Europe. Le groupe ne cache pas ses penchants pour des groupes comme AC/DC, Guns N' Roses et Aerosmith. C'est peut-être pour ça qu'ils ont connu Trust aussi. Voilà. Vu que Trust tournait avec AC/DC. Ouais, voilà, je te parle de 2006 quand même. Ouais, mais... Peut-être qu'ils sont connus, ils ont été connus grâce à ça et que du coup, oui, peut-être, vu qu'ils sont australiens et que... Oui, peut-être. Peut-être une corrélation, tout ça. Pas bah, sûrement. En tout cas, tu vois, ça rejoint le côté groupe de rock. Guns N' Roses, Aerosmith. Ouais. Très typé. Ouais. Très typé. Je vois ce que tu veux dire. En 2007, sur leur premier album intitulé Lady Luck, l'album est encensé par la presse spécialisée. Dans la pure lignée du hard rock australien, l'album est mixé par Mike Fraser, celui qui a mixé AC/DC, Aerosmith ou encore Van Halen. Le groupe enchaîne une tournée européenne, faisant par exemple la première partie de Scorpion lors de leur tournée française et belge. En 2009, sort leur deuxième album intitulé Game of Fool, le tout toujours mixé par Mike Fraser, et produit cette fois par Anton Ogop, producteur de Silverchair entre autres. Là, aucun lien. Aucun. La couverture de Game of Fool est réalisée par le dessinateur Mark Wilkinson, créateur des fameuses pochettes de Iron Maiden. Bon, pas trop de dire non plus, mais bon, ouais, pareil. C'est là quand même. Le groupe continue sur sa lancée d'un hard rock pur et est considéré avec des groupes comme Airborne ou The Answer comme le renouveau du hard rock. Alors, d'accord, mais pas trop. Oui. C'est-à-dire que Airborne, on est d'accord, c'est le renouveau du AC/DC rock. Oui. Voilà. Oui. C'est ça un peu. Et autant le premier album de Koritni fait penser un peu du AC/DC, un peu dans le style... Autant après, ça fait vraiment rock, vraiment rock américain de bar. tu sais, t'imagines tous les films où il y a une espèce de road trip et puis t'entends la musique en fond et c'est un peu ça que ça me fait penser. En support de leur nouvel album, le groupe part pour une grande tournée européenne, dont pas moins de 13 dates en France, dont le Hellfest de Clisson. Et oui. Pas mal. Et oui. En 2010, pour la tournée Put Your Hands Up, le groupe fait encore de nombreuses escales en France où le groupe jouit d'une belle notoriété. Apparemment, on est passé à côté. Tu jouis de ce que tu veux. On est quand même bien passé à côté. Le groupe participe ainsi à divers festivals comme le Motocultor. Ah, le Motocultor. Comme quoi. Bah oui, tu vois. Le 12 mai 2012, le groupe sort son nouvel album, Welcome to the Crossroad, qui se classe 110e des ventes. Ah, c'est le morceau. Welcome to the Crossroad. Ah non, c'est pas ça. La tournée, la nouvelle tournée Sell Your Soul Tour fait de nouveau la part belle à la France avec pas moins de 16 dates, dont de nouveau le Hellfest. Et plus tard, en première partie de Motley Crue au Zénith de Paris. Ah bah quand même. Donc c'est quand même... je me souviens quand j'ai vu la fiche, j'ai dit qu'on est venu, je connais pas ce groupe. Mais en fait, c'est juste mon radar n'était pas bien réglé. C'est ça. Le 18 mai 2015 sort en France chez Very Record Warner, le quatrième album studio du combo, Night Goes On For a Day, sorti européenne le 4 septembre. Le disque est produit par Lex lui-même et mixé par Kevin Shirley. Cet opus voit la participation de V. Brusco et Farid Merjan de Trust, ainsi que du batteur de statu quo John Coughlan. Donc on est sur 5 albums parce qu'ils ont sorti en 2018 Rolling, 2 albums CD, DVD live. Et quelques autres petites babioles de ci, de là. Mm-hmm. Donc, au début, en fait, quand j'ai écouté, que je trouvais donc que ça me faisait penser à des trucs de films américains, j'ai trouvé ça un peu léger. En fait, un peu, pas forcément mou, mais un peu léger. Peut-être un peu manque d'originalité ou manque de... Peut-être le côté trop simple. Ouais. Je vais te donner un autre exemple. C'est un peu comme quand tu vas au Buffalo Grill, tu vois, et qui passe la musique country, ouais. Et que t'es incapable de différencier un groupe country d'un autre groupe country parce que c'est de la country et que c'est comme si c'était un niveau encéphalogramme plat de la musique. Ouh. Alors forcément, s'il y a des fans de country, si je m'excuse, je connais pas. Moi, je donne mon avis de néophyte. Voilà. D'accord, c'est important de pas me juger. Mais toi, tu juges. Je dis que ça fait un peu cet effet-là. Ouais. Quand tu vas... En fait, quand tu vas au Buffalo Grill, je suis désolé, t'as l'impression que c'est un seul album. T'as écouté Charlie Daniels Band ? Pas récemment. Eh ben voilà. Là, tu reconnais. D'accord. Je m'excuse au nom de la country. Bon, bref, en termes de truc rock, c'est pas désagréable. Ça sonne pas forcément ancien non plus, c'est juste que c'est... ça sonne géographiquement ailleurs. Sud-américain. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec Rivalson et ce groupe-là, ça fait déjà 2 groupes rock. Très calme. Ouais. Pour un festival de musique extrême. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, mais pareil, je juge pas. Ça se trouve, s'il joue le même. Il y a ZZ Top qui vient cette année. Oui. S'il joue le même jour, voilà, bah. Ouais. Ça se trouve, c'est une 700% rock. Ouais. De bar américain. Voilà, rock de bar américain. De rock trip. Tu vois, c'est dans cette idée-là, quoi. Ouais. Mais c'est pas du tout désagréable. Hein. Mais c'est pas non plus emballant. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, tu vois, j'aurais pas forcément le même effet. Je me dirais pas, ah, je pourrais le mettre en playlist pour faire un truc rock, mais ça ferait vraiment un truc un peu moins efficace que Rivalson, je trouve, dans le côté. Après, ouais. Parce que je me sens peut-être plus proche des influences de Rivalson que de. Forcément. Que de Coritney. Tu n'es qu'humain. Et je m'en excuse. Oh, faut pas. Je t'en prie. C'est à moi. Take a relay. Hey, my last group. Tiens, mais Coritney joue effectivement le même jour que Rivalson. Ah bah bravo. J'ai regardé ce qu'il y a d'autre. Alors, moi j'avais Conan. Et oui. Un groupe britannique de doom metal originaire de Liverpool, dont le style se caractérise par un son fortement déformé et abaissé. Donc c'est encore plus lourd que lourd. C'est pas faux. Tu vois ? Tu le fais très bien. Merci. Tu t'entraînes un peu quand je suis pas là ou... Oui. Oh, bah, souvent. Tu viens ici dans la chaufferie comme ça, tu fais... Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est exactement ce que je fais. Putain, c'est fou. Créé en 2006 à la base en duo, jouant du stoner, doom, sludge. Ah, tiens. Rejoint par John McNulty à la basse et au chant, ils enregistrent un EP en 2007, pardon. Ils ont principalement sorti des CD EP, 7 en tout, qui n'iront pas au-delà de 7 titres, hein, forcément. Il faut attendre 2018 pour que leur premier véritable album voie le jour avec un 11 titres. Bim, donc ils ont sorti 7 EP, en fait, et un album. D'accord. Voilà. Ça arrive. Donc Conan, bah, pareil, pas grand-chose à en dire, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis désolé, mais je tombe sur 2 groupes de doom... Bah voilà quoi. Je... Il se différencie pas un peu Si, niveau son, forcément. Ouais. Voilà. Très déformé et abaissé, donc c'est encore plus pesant. Ah, mais j'ai de, alors de mémoire, je crois, vrai, de ce, j'espère que je ne confonds pas justement avec Yom, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de changements de rythme et plus de variations. Ouais. Donc, non. Certainement leur côté british, ça. Bah, peut-être, ouais, ouais. Mais du coup, ça m'a plus intéressé. Ouais, mais moi, c'est le côté pesant, moi, qui me pose problème. Moi. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pas, c'est pas le, le changement, j'aime bien quand il y a du changement, mais j'aime bien aussi quand il y a de la, la mélodie. Technicité, ouais. Ou, voilà, tu vois. Bah, t'es pas très doom, hein, ça. Non, je suis pas très doom, moi, comme non, mec. À part Yet God, mais... Bah, Yet God, non, j'ai un album que j'écoute une fois l'année. Il a un album. Qui n'est pas à moi. Voilà pourquoi j'ai un album. Parce qu'il n'est pas à moi. Il était un ami qui est mort. Non. Mais j'ai un album. Voilà. Très bien. Je te c'est pas de ma faute. Donc du coup, Conan, rien de plus à en dire. Voilà. Très bien. Désolé. Pas grave. Tu ne réécouteras pas plus, tu vas pas... Ne, je ne pense pas. Non, voilà. Pas comme ça, de but en blanc, je te dirais, bah, je vais pas avoir le temps. Et l'envie encore moins. L'envie non plus. Très bien. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je te demande pas si t'achèterais un CD. Si, je pense. Il y en a qu'un, donc. Voilà. En plus, donc j'achèterai le CD. Voilà. Ok. Eh bien, donc j'ai vérifié, au fait, pour revenir sur ce que je disais. Donc, effectivement, Alors je sais, vu que c'est pas dans l'ordre, hein, mais ça passe le samedi, le même soir que Kiss, Korytney, Rivalson, Whitesnake et Richie Kotzen, qui a l'air d'être un guitariste tout seul. Donc, je pense que c'est... une thématique assez rock, ouais. Voilà. Ok. On est dans une thématique rock. On the road again. Tout à fait, voilà. Parce que toi, t'as eu deux groupes de doom, moi, j'ai eu deux groupes comme ça de rock. C'est ça. Et mon dernier groupe est Tormentor. Tormentor. Ah, je sais, Tormentor. Non, non, c'est Motokultor. Ah oui, pardon. Mais non, parce que eux, ils sont hongrois. Ah bah merde, j'ai pas l'accent hongrois. Non, alors, Tormentor est un groupe de black metal et rock expérimental hongrois originaire de Budapest, une ville que je ne connais pas mais que je suppose vachement bien pour voir des concerts. Je suppute. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Formé en 1985 par Attila Sihar. Alors, est-ce que ce nom te dit quelque chose? Alors, Attila, C-S-I-H-A-R, donc Sihar, je ne sais pas trop le dire. Attila, oui. Oui. Le 1. Bah là, il était Sihar. Ah ouais? Il n'était pas tout seul? Non. Non, ça ne dit rien? Non, ça me dit d'accord. Rien. D'accord. Tu verras, parce qu'en fait, au final, tu vas dire ah oui? Ok, vas-y, je me prépare. Bah, ah oui? Ah merde, trop tôt. Non. Le groupe joue du thrash metal rapide qui implique des passages épiques similaires à ceux de Bathory. Le groupe joue en Hongrie pendant la période 86-90, et bien que le groupe a eu une grande influence sur la vague black metal scandinave, une reprise du titre Elizabeth Bathory par les Suédois de Dissection. Le groupe se dissout en 91. Tormentor se renforme en 99 pour la sortie de l'album Récipier Ferum 777. C'est pas trop... C'était là ? Non. Non. La particularité... Ah ouais, c'est ça. Le chanteur Attila Sihar se fait connaître plus tard avec le groupe norvégien Mayhem. Ah bon ? Ah bon ? Oui. Alors, dès qu'on peut la refaire, hein, si tu veux, ça me pose pas de problème. Comédien, acteur, vas-y. Là, je voulais aussi rajouter que suite à la sortie de l'album Récipé, en fait, depuis, l'activité du groupe est actuellement en suspens. Voilà. Ah oui ? Oui. Alors, Attila donc se fait connaître pour être le remplaçant du chanteur Dead au sein de Mayhem, et également plus tard d'autres groupes, dont Sinsaneum. Ah bon ? Voilà, merci. Il est aussi réputé pour ses nombreux costumes de scène. Ainsi, il peut apparaître déguisé en prêtre, en arbre, en médecin, à tête de cochon, en dictateur, en marchand d'esclaves, en momie ou encore en homme invisible. Ah oui, d'accord. Oui, il vient pas quoi sur scène, c'est ça l'idée quoi. Ok. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Bon. Ça dépend si c'est avec les bandes. Bah, peut-être. Parce que du coup, si c'est le film des années Peut-être, oui, oui. 50, effectivement, je pense que c'est ça. Oui. Parce que là, du coup, de momie à homme invisible, il y a juste un chapeau. Oui, voilà, c'est ça. Un chapeau, des lunettes. Le mec peut briller par son absence, et du coup, il... L'homme invisible. Ouais, à cause donc, du système communiste du pays et de la censure, le groupe ne peut publier sa deuxième démo sous format CD. C'est ça qui est important. En 90, sort Anno Domini au label Underground hongrois Evil Records sous format cassette audio. Siar parvient à contacter le groupe de black metal Mayhem et à contribuer à leur premier album studio, The Mysterious Dom Satanas. La deuxième démo du groupe, Anno Domini, devait être publiée par le label Dislike Silent Production, ce qui ne se fera jamais à cause de l'assassinat d'Euronymous, qui était le guitariste de Mayhem. Ah bah bravo. Qui a été tué par Ving Vigarzen. Ah oui, ouais, j'ai bien connu l'histoire. Il finit par publier Anno Domini en 95 au label Nocturna Art Production. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que cet album, il a été méga publié en fait. Tormentor reprend ses activités en 99 avec la publication de l'album Recipe Ferum, etc. En 2001. L'album est très influencé par le folklore hongrois et contient des éléments de black metal. Il est accueilli d'une manière mitigée par la presse spécialisée. Donc, si on fait les comptes, en 87, The Seventh Day of Doom est une démo qui sort. En 1988, Anno Domini. En 1989, Black and Speed Metal split avec Dictator. En 1990, Anno Domini Protep version. En 1995, Anno Domini CD LP Pic LP. En 1997, The Seventh Day of Doom, qui est un album studio. En 2000, The Sick Year, qui est une Protep. En 2001, Recipe Firom 777. Et en 2007, Anno Domini version CD. Wouh! Ouais. Eh ben, pinaise. Du coup, Anno Domini est pas mal sorti. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est l'album que j'ai écouté, et l'album où il y a la chanson Elizabeth Bathory. Ouais. Donc, en fait, c'est très particulier parce qu'effectivement, c'est très trash metal. Enfin, donc, forcément, black metal, il y a du trash metal dedans. Et c'est un mélange assez. En fait, particulier parce que t'as les trucs qu'on n'aime pas dans le black metal, ouais. Toi et moi, mais aussi les trucs que j'aime bien, moi, dans le trash metal. Donc ça fait que ça m'a pas trop dérangé d'écouter cet album. D'accord. Anno Domini. C'est Anno Domini que j'ai écouté. Oui. Je l'ai écouté plusieurs fois. Genre l'intro d'Elizabeth Bathory, elle est très black metal, elle est très un peu bizarre, parce qu'il prend aussi des vieux rires de films, un peu à la manière de films d'horreur. Beaucoup mieux que moi. Mais il y a plein de trucs comme ça au milieu de l'album. Mais après, musicalement, quand t'es dedans, tu... Je fais moins gaffe au chant black metal quand tu l'aimes pas trop, ça passe. Ouais. J'ai pas été, ça m'a pas tant déplu que ça d'écouter l'album. Je l'ai trouvé plutôt efficace. Je retenais un peu les morceaux, donc ça passait bien. Après, j'en suis pas du tout à avoir envie d'aller voir le groupe, ni d'acheter l'album, même si pour le coup, bon, je dois bien peut-être trouver encore une cassette quelque part d'Anno Domini. Ouais. Non, je suis plus par contre hyper intéressé par l'histoire du mec, quoi, qui se retrouve. À prendre la place du chanteur de Mayhem, ouais. Qui doit d'ailleurs continuer de l'être encore aujourd'hui dans le groupe, qui est aussi le chanteur de Sinsaneum, qui a fait aussi beaucoup d'autres groupes. Donc c'est un mec qui a toujours été... voilà, c'est son groupe à lui, mais c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Mais c'est toujours assez marrant de voir ces groupes qui ont très peu de matériel, en fait, qui n'ont pas beaucoup d'albums, mais qui sont quand même ultra connus parce qu'ils étaient là au début de, eh oui, de cette vague. Ça. Les trous. Mais après, c'est vrai qu'on en est encore sur un black metal, enfin, que moi, j'aurais tendance à considérer comme qu'on peut écouter plus facilement. Oui. Tu vois, parce qu'il n'est pas arrivé à l'extrême où là, nous, on décroche direct des... ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, donc c'est... Je pense que tu devrais jeter une oreille pour l'histoire, voilà. Oui. Tu vois, pas forcément plus que ça. Voilà. Ok. C'était mon avis sur Anno Domini. Non, sur Tormentor. Hey. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer enfin aux quatre autres groupes. Hey. Je dis enfin parce que je suis fatigué. C'est ouais. Je dis ça que pour ça. Venez pas commencer à croire ouais les deux mecs. Ça fait déjà merde, ça fait une heure qu'il y a plus d'ambiance. Donc venez pas. C'est ça. Sur un enregistrement d'une heure deux, bah écoute. Franchement. On a fait tout ce qu'on a pu. C'est ça. Qui tire au sort en premier ? Oh, bah écoute, on tire au sort ? Pour tirer au sort ? Ah, c'est compliqué ça. Ouais, je trouve aussi, ouais. Vas-y, bah c'est facile, le dernier c'est Rivalson, c'était moi. Donc, bah, c'est ah, toi. Bah voilà. On va faire comme ça. Ok. À être plus simple. Mais bien sûr. C'est parti. Oh merde. Sum 41. Il y a un dieu. Il y a une justice quelque part. Ah, je m'en fous, t'écoutes tout. Non. Sum 41, mais... Pourquoi? C'est fou, ça. Bah, tu sais pourquoi? Ah oui, c'est fou. Parce que l'année dernière, t'as eu Rise of the North Star, alors c'était pas justifié. Et là, tu trouves que c'est justifié que je me tape Sum 41? Ah ouais. Alors moi, j'ai Cult Leader. Ok. Je peux... Je sais pas. Voilà. Je sens que ma chance a tourné depuis 4 ans. Ah, Sum 41. Anthrax. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Anthrax, c'est un peu un main. Pour l'instant, ça va, t'as des bons groupes, je trouve. Ouais, connard. Ah, c'est... Oh. Écoute, je te laisse me le lire. Vas-y, vas-y. Skindred, ouais, d'accord, forcément. Ça va, ça me dérange pas. J'aime bien, je peux vous le dire d'avance, j'aime bien. On avait cru comprendre. Ah, The Fever 333. Ah, The Fever 333. Ouais. D'accord. Bah, hey, t'as des bons trucs. Je ne connais pas. C'est ce que je dis. Tu connais? Non. Eh ben voilà, alors. Ah. D'accord. Sumac. Vénéneux. Bah, je suppose que c'est la première partie. Ah bah tiens, Uncle Acid and the Deadbeats. Ah bah tu voulais écouter ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah bah tu vois. J'en ai écouté un peu cette semaine d'ailleurs. Ah, et alors? Ça va. Bon. Ça va. Donc ça va, tu pars. Ça va me permettre de découvrir un peu plus. Bah, je connais vite fait parce que ouais, j'ai écouté pas mal de. Oui, parce que t'es un mec qui bouge. De choses. Envie. Envie. Envie, ok. Ok, très bien. Bon, bah voilà. Je te partage ça tout de suite, comme ça tu pourras... C'est sympa. Hop, tac, tac. Voilà, bon bah écoutez, c'était l'épisode 6. On est conscient que la fatigue a peut-être à un moment donné fait baisser... ah ouais, c'est clair. L'énergie. On s'en excuse, hein. On a essayé quand même d'être pro jusqu'au bout. C'est ça. C'est-à-dire comme d'habitude. Voilà. C'est, on est pro. On a essayé. Voilà, on a essayé. On a essayé. Donc on se dit à la semaine prochaine. Tout à fait. N'hésitez pas à venir interagir avec nous. Parce que je sais que j'ai rien posté cette semaine sur la page Facebook, même les groupes qu'on devait écouter, donc je vais essayer de me rattraper. Mais venez m'engueuler, hein, venez me le dire, hein, n'hésitez pas, moi j'en veux à personne, mais c'est vrai que j'ai manqué un petit peu de motivation et je le déplore. Voilà, très bien. Donc une bonne semaine à tous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ces groupes et d'autres choses s'il y a à dire. Voilà. Du coup, on vous aime. Bonne semaine à toi, hein, Jacques. Pardon, excuse-moi. J'ai bonne semaine à toi. Ah mais c'est gentil, mais toi aussi. Ouais, mais c'est sympa. Ah mais je t'en remercie. Ah, c'est ça. C'est sincère en plus. Eh ben n'hésite pas. Ben voilà. Route tracteur. Paléontologue. Pareil. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. Bon allez. On vous aime. Hey voilà. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. On devrait le faire en canon la prochaine fois. Non, c'est trop compliqué, c'est des démarches. Ouais, c'est vrai. Faut s'entraîner et tout ça. Moi, je peux pas faire ça. Fille, viens de là.